Bonjour et bienvenue dans ce numéro de rentrée de Casse sur Table, un numéro où nous sommes nombreux autour de la table des nouveautés, puisque je suis entouré d'Issam. Salut. D'Arthur. Bonsoir. Et voilà. C'est triste. Alors les deux autres sont partis parce que je suis revenu l'impression. Alors, notre ami Nécro a des soucis médicaux, qui fait qu'il ne sera pas là pendant 2-3 numéros. Alors, rien de très grave. Hein, rien de très grave, il va bien. Il est toujours disponible sur Twitter si vous voulez lui faire des bisous ou juste lui dire bonjour. Et notre amie Sally est elle, en plein déménagement. Donc forcément, elle aussi, ça va bloquer pendant un ou deux numéros. Pendant un ou deux numéros, nous ne serons que tous les trois. Est-ce que la qualité de ce podcast ne va pas donc augmenter normalement? Normalement, si. Statistiquement, oui. Voilà. Non, mais on se débrouille bien. Il y a déjà quelques mois, on a réussi à virer, ouais, à virer Alex. Merci de me prouver que je bosse bien avec des connards. Et, du coup, je pense que le taux d'insultes envers moi va aussi augmenter parce qu'il y aura moins de gens pour combler. C'est vrai. Ah, j'avais pas vu les choses sous cet angle. En même temps, on n'insultait pas beaucoup Nécro et Sally. Hein. C'est vrai. Ça, mais... c'était déjà toi qui prenais. Disons, vu que tu vas plus parler, je risque de plus m'en prendre dans la gueule. Quoi. C'est vrai. Messieurs, comment se sont passés ces deux mois estivaux? Banal, j'ai travaillé donc. Banal, j'ai pas travaillé donc. D'accord. Bah, et toi? Bah, moi je travaillais, des fois je travaillais pas, voilà, banal. Ah. Banal. Voilà. Intéressant. Est-ce que nos vies ne sont pas tristes? Si. Je pense qu'il faut peut-être écouter autre chose. C'est pour ça qu'on fait du podcast. C'est ça. Et si nous plongions dans le vif du sujet et qu'on parlait manga? On va directement sauter dans le vif du sujet. On va parler d'une nouveauté de chez Vega. Peut-être qu'il faut juste qu'on dise ce qu'on fait juin, juillet, août. Et un peu de mai aussi. C'est vrai. Après, comme ça, vous savez, oui, mais... Oui. Mais c'est pour que les gens ne soient pas perdus. Mais vrai. Où est-ce qu'on est? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu as raison. Tu as raison, mon cher Arthur. J'aimerais éviter des crises de panique, quoi. Tu as raison. Il faut éviter. Il ne faut pas pousser les gens au suicide. Mais c'est ça. Il ne faut pas induire les gens en erreur. C'est attention. Ça. Attention. On pourrait créer une nouvelle révolte des gilets jaunes. Par exemple. Voilà. Donc attention. Bon, alors allons-y. Ok. Allez, on y va. On y va pour de vrai cette fois-ci. Du coup, Akira, tome 1. Non, Kamuya Ride, tome 1, édité par Vega. C'est un manga dessiné et écrit par Masato Issa, que l'on connaît surtout pour Area 51, et qui a aussi fait Jabberwocky. Et une autre série chez... ouais, chez Casterman. En... non, chez Casterman, en deux tomes. Ah ouais, Grateful Dead. Voilà. Oui, que je n'ai pas lu pour le coup. Et du coup, Batman Ninja aussi chez Kana. Qui sort chez Kana, ouais. Aussi. Et une autre série en 6 tomes, mais qui n'est pas sortie en France, je crois. Mais même d'autres trucs, il y a pas mal de trucs qui sont bref, il a fait plein de trucs. Kamuya Ride, ça se passe aux environs de l'an 400 au Japon, d'après la jaquette. écoutez, vous me prenez un peu au dépourvu. C'est l'histoire d'un jeune homme, Yamato Takeru, qui est fils de chef de clan et qui menait une armée au combat. Son armée se fait décimer par un démon. Et sa vie est sauvée par un mec qui se présente sous le nom de Kamuya Ride, dont le but est d'éliminer des divinités qui reviennent à la vie. Et pour ce faire, il se sert d'une matière particulière, d'un minéral particulier en quelque sorte, qui détruit ces divinités quand elles sont mises en contact avec lui. Et c'est comme ça qu'il réussit à les sceller et à les renvoyer dans leur monde, un peu façon Kingdom Hearts. Oui, voilà. Typiquement, c'est à ça que j'ai pensé. Puisqu'il utilise une clé... ouais, pour sceller les créatures une fois qu'elles ont été renvoyées de leur côté du monde. Voilà, il y a une serrure qui s'ouvre sur leur corps. Vraiment Kingdom Hearts, quoi. La référence est là. On retrouve pas mal de trucs qu'on retrouvait déjà dans les anciennes œuvres de Masato Issa. Donc déjà un dessin très contrasté, beaucoup en nuances, en aplats de noir et de blanc. Et un dessin très dynamique aussi. Et aussi une tendance à mêler beaucoup d'éléments mythologiques. Alors comparé à Area 51 et à Jabberwocky, beaucoup là moins. C'est surtout que ça reste vraiment très japonais. Oui, voilà. Donc ça va peut-être être un peu moins parlant pour un public occidental, tandis que ses précédentes œuvres mixaient énormément de mythologies et d'imaginaires différents. Là, ça reste quand même pour l'instant exclusivement japonais, donc c'est peut-être un peu moins parlant pour nous. Mais personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé ce premier tome. On peut lui reprocher d'être un peu bordélique par moment, mais c'était déjà le cas des premiers tomes de ces deux précédentes séries. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve le début d'Area comment dire, pas extraordinaire, mais quand même beaucoup mieux ficelé dès le début, parce que moins bordélique. Mais là, on nous balance vraiment beaucoup d'infos au début. Ce serait mon seul reproche que j'aurais d'ailleurs sur ce premier tome de Kamui Rider. Moi, j'ai souvenir, tu vois, que dans la 51, on avait aussi beaucoup de trucs au début. Mais c'est peut-être un souvenir faussé. Non, parce que le premier tome déjà d'Area, c'est vraiment un chapitre, une histoire. Et à chaque fois, on se focus sur une créature par chapitre. Bah, début, donc c'est moins... plus ou moins le cas ici aussi, finalement. Non, mais y a quand même déjà... un démon par chapitre. Ouais, mais il y a un fil rouge qui est déjà beaucoup plus présent au début et qui est. Qui est absent dans Race quand t'es le fil rouge arrive au bout de 3 tomes, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Après, voilà, moi j'ai passé un vraiment bon moment à le lire. J'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Donc pour ceux qui ont aimé les précédents titres de l'auteur, allez-y. Et pour ceux qui connaissent pas, ouais, on passe un bon moment, je trouve. Oui, c'est une bonne lecture. On verra bien, ça prendra probablement de l'ampleur par la suite, j'espère en tout cas. Je sais pas combien dépend, tomes au Japon. Seulement 2, c'est sorti très vite. Oui, c'est vrai. Sorti très vite. Et ça paraît assez lentement. C'est vrai que c'est une nouvelle, vraiment, vraiment, vraiment une nouvelle série. Ouais. En même temps, il a plein de trucs en même temps, non ? Je sais qu'il a Jabberwocky 1914. Mm-hmm. Il a Batman Ninja. Il a Batman Ninja. Mais je me demande si c'est même pas fini, en fait, ouais, Batman Ninja. Soit c'est fini, soit ça va pas durer longtemps. Et il a un autre truc encore, je crois. Ouais, mais ça c'est pareil, non, c'est pas fini. Ah non, je sais pas. Je suis même pas sûr qu'il y ait un autre truc, parce que je crois que l'autre truc auquel je pensais justement c'était ça. Donc, moi j'ai été. Puisque. Sans que ce soit une mauvaise lecture. Voilà, toi t'es le plus mitigé autour de la table. Ouais, mais. Déjà faut savoir aussi que je partais avec des attentes assez élevées parce que. C'est un auteur que t'aimes beaucoup. En tout cas, c'est un auteur dont j'avais beaucoup aimé Area 51. J'ai pas fini Jabberwocky, mais je trouve la lecture beaucoup plus laborieuse, même si c'est aussi plein de bonnes idées. Déjà, je trouvais que graphiquement c'était plus lourd, et même au niveau du scénario, Jabberwocky c'est un peu dense. Jabberwocky a été écrit avant. Jabberwocky a été écrit avant. Là, ce qu'on a, du coup, on l'a dit un peu, mais sans le dire après, mais du coup, oui, ça c'est son manga le plus récent paru en France, hein, il est toujours en cours. Pareil, Grateful Dead, je m'en suis séparé, j'avais pas tant que ça aimé. Donc c'est vrai que c'est un auteur que je retiens surtout pour Area 51. Et là déjà, il y a un truc qui m'a déçu d'emblée, c'est que graphiquement, je trouve ça quand même beaucoup moins fouillé, il y a beaucoup moins d'idées de mise en scène percutantes, c'est beaucoup plus conventionnel, ne serait-ce qu'au niveau du découpage. Le traitement même sur les contrastes est moins fort. Ouais, je trouve qu'il il se foule pas trop là graphiquement, alors que avant ça a toujours été vraiment dans l'expérimentation, même au point que parfois ça n'était pas super lisible, notamment sur ses premières œuvres. Là, c'est l'inverse, je crois qu'il a vraiment voulu se rendre lisible plus facilement, mais du coup, on perd quelque chose qui faisait du charme du type, du style graphique absolument unique de l'auteur, et là, je trouve que ça se perd un peu. Même s'il y a toujours ces contrastes et ces influences occidentales, quand même, qui se retrouvent, même malgré le contexte. Je suis d'accord avec toi pour le découpage moins dans la folie que ce qu'a pu l'être à Area 51. Par contre, au niveau dessin, moi, je trouve ça toujours aussi vraiment très joli à regarder. Enfin, ces doubles pages qui se veulent impressionnantes font un peu vide et un peu misérable, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a des moments où on est censé avoir un effet de gigantisme et où la page est quand même massivement... Ouais, bon, alors bon, parfois ça marche, mais c'est quand même 3 mois que je l'ai lu, mais voilà, donc je dis pas que c'est moche et je dis pas que... Voilà, bon, là, par exemple, Bon, ça va, c'est pas dégueulasse. Là, c'est pas sûr. Page 46, pour le tome devant les yeux. Page 46, moi, je trouve pas que c'est fantastique et que ça mérite une double page et que, voilà, je vois pas trop pourquoi ça vient là. Là, je suis d'accord avec toi. Le trou béant dans la forêt, oui, bon, d'accord. Il y a quand même des trucs... Ça a quand même son petit effet quand tu le vois. Dans mon souvenir, ça fonctionne avec une autre planche. C'est pour montrer la puissance de la créature. Oui, alors ça par contre, il y a quelques fois des doubles planches qui s'enchaînent pour montrer un mouvement. Enfin, il y a quand même quelques bonnes idées de mise en scène. Je dis pas encore une fois que c'est acheté, mais comparativement à ce qu'il a pu faire avant sur Area 51 notamment, c'est quand même beaucoup moins fouillé. Et même l'univers d'Area 51, les rues d'Area 51 et toute la ville, ça crée vraiment une ambiance que là on retrouve pas. Qu'il aurait pu créer différemment et qu'on trouve pas tout à fait. Après, peut-être aussi qu'il considère qu'il a atteint une sorte de bout dans ce style-là, dans Area 51, et qu'il a envie de le faire évoluer, et que donc, d'une certaine façon, il fait le ménage dans ce premier tome pour repartir sur des basses scènes, pour repartir sur de nouvelles bases pour faire évoluer son style. Ouais, c'est possible, mais alors à ce moment-là, pour l'instant, je trouve pas ça très intéressant, mais à voir comment ça évolue. Après, on l'a énuméré aussi avant, possible que, étant sur beaucoup de projets quand il a commencé Camarade, il a moins le temps. De vraiment faire un travail aussi qualitatif qu'Area 51. Aussi, oui. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le découpage est beaucoup plus simple, que les cases sont beaucoup plus grosses, il a peut-être moins le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être évoluer plus tard, quoi. Donc ça, on sait pas, mais... Ouais, en plus, c'est vraiment pas rare qu'un manga soit de plus en plus beau au fil des tomes. Non, mais en général, c'est plutôt quand les auteurs sont en début de carrière, là, il a quand même quelques décennies derrière, quoi, donc... Moi, je m'attendais à mieux à ce niveau-là, mais c'est... Après, je trouve le design des démons vraiment, vraiment cool, l'ensemble vraiment fouillé. Mais après, oui, on peut rappeler par contre que t'es déçu parce que t'en attendais beaucoup, mais que c'était loin d'être nul. Et bon, après, j'ai pas trop dit ce que je pensais de l'histoire aussi, mais il y a pas mal de trucs que j'aime bien. J'aime beaucoup les deux protagonistes, j'aime bien le fait qu'il transfère son fanservice qui était un peu lourd d'habitude sur les personnages féminins. Là, c'est un personnage masculin, ouais. Donc ça fait un peu moins lourd et du moins ça fait différent. Il y a pas mal de trucs que j'ai bien aimé, hein. Je trouve que l'action est extrêmement lisible, ce qui posait parfois problème, notamment dans Jabberwocky, un peu dans les débuts, notamment dans la 51. Ouais. Là, pour le coup, les scènes d'action sont très très claires, ça se lit vraiment bien à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, après, moi, c'est aussi le contexte historique, je suis pas particulièrement fan, même si je trouve que le mélange entre ça et le côté un peu futuriste, notamment de la tenue du protagoniste, ça fonctionne assez bien, ça crée un truc qui a du potentiel, mais c'est vrai que bon, moi j'accroche moins à cet univers, donc c'est aussi peut-être pour ça. Et le protagoniste qui a une pure tenue façon Sentai japonais, Kamen Rider, tous ces personnages. Oui, bah, ne serait-ce que le nom du coup. Oui, c'est de là que ça vient. Ouais. Mais par rapport aux doubles pages, je trouve en fait que elles fonctionnent quasiment toujours en duo, j'ai eu l'impression. Il y a par exemple 76, 77 et 78, 79. Avec une créature. Le seul truc qui change, c'est un personnage qui a sauté d'une page à l'autre. Et pareil, celle dont tu parlais, le cratère vide, donc qui est à la page 64, en fait, il fonctionne en écho avec la même case quasiment, page 102. Oui, tu vois, tu vois la créature, l'empreinte de la créature qui s'est imprimée dans le sol. Donc à ce niveau-là, je trouve ça quand même assez intéressant. Ouais. Après, oui, c'est un peu bordélique, mais Jabberwocky, je l'étais déjà, et je maintiens qu'Area 51 l'était par moment. Mais j'aime bien le bordel de cet auteur-là, en fait. Je sais pas, je crois que c'était bordélique sur certains points, tout en manquant quand même un peu de sa patte. Je pense qu'on en a dit assez sur Kamui Ride. On va passer à quelque chose d'un peu plus bordélique, toujours chez Vega. Bandit 7, voilà. Petite série en deux tomes, édité par Vega. Ils sont là. Ah, il n'y a que deux tomes. Bah oui, c'est ça. C'est ça mon problème, notamment. Alors, Bandit 7, alors on s'excuse par avance parce que c'est une lecture qui remonte un peu, donc nos souvenirs vont pas être ultra précis au niveau de l'histoire. De quand on a reçu le tome, donc c'est-à-dire en mai. Peut-être en juin, mais dans tous les cas, voilà, ça fait 3 mois. Quoi. Ça se passe dans un monde post-apo et ça raconte la lutte entre bien et mal, donc avec un côté assez religieux, il y a un côté un peu ange et démon qui est pas mal souligné, sauf qu'il y a une inversion des valeurs. On suit plutôt le groupe du mal qui extermine des anges qui sont un peu du style hyper bourrin, meurtrier, qui au nom du bien en fait se permettent des massacres un peu aléatoires. Alors, j'ai pas lu le tome 2. Le souci que j'ai eu avec le tome 1, c'est que t'as à la fois l'impression que l'univers est très riche et qu'on ne dit pas grand chose, et l'impression d'être complètement perdu. Enfin, t'es complètement perdu du coup, en fait, par moment. À croire que c'est une adaptation d'un jeu vidéo ou d'autre chose, et que du coup, on veut te plonger dans un univers que t'es censé déjà connaître, en fait. Ouais, il y a un peu de ça, il n'y a pas assez d'exposition. Alors, je me disais que ça aurait pu s'améliorer avec le temps. Avec le tome 2, 3, 4, 5, mais non, vu que ça ne va qu'à tome 2. Moi, il n'y a que 2 tomes. Je peux en douter, quelqu'un a lu le 2 ici ? Non, pas moi. Ah, mais c'est con. Non, moi non plus. Nous sommes des professionnels autour de cette table. Après, voilà, en fait, ça reste plutôt joli. Les combats restent plutôt sympas. Il y a des trucs qui sont posés qui sont intéressants autour des personnages secondaires, notamment. Je trouvais qu'il y en avait des assez sympathiques. Donc, comme je t'avais dit en off, il y a vraiment que l'aspect visuel qui m'accroche. Mais voilà, ça a pas suffi pour m'accrocher pour le moment. Et je pense pas qu'un seul tome en plus va sauver l'affaire. Non, ouais. Mais c'est dommage parce qu'il y a des bonnes idées au niveau des pouvoirs des personnages. Oui. Mais ça creuse pas en fait. Le concept de base est plutôt sympa. Mais oui, c'est très étrange cette impression de. Tu lis quelque chose et on dirait vraiment que normalement t'es censé connaître ce que t'es en train de lire. Merde. Peut-être je me suis juste dit que ça allait t'expliquer ensuite, mais en fait, non. L'auteur a fait d'autres trucs ? Je crois pas. J'avais regardé, mais non. Ouais, il y a eu un moment, il y a eu un truc sur capitalisme et communisme là. Je sais pas d'où ça sortait. Bah, encore une fois, on sent qu'il y a une base, c'est pas assez creusé. Mais c'est ça. C'est la scène dans, dans l'espèce de diner. Ouais, mais c'est pour ça que je j'arrive pas à, à me dire que c'est totalement nul, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'intentions. On sent qu'il y a. Enfin, que l'auteur essaye de poser des trucs et de présenter un univers où il essaye de. Voilà, enfin, il devait avoir l'idée avant, etc. Mais du coup, c'est con que ça s'arrête aussi vite. Peut-être que juste ça a pas assez fonctionné, je sais pas. C'est sans doute ça. Oui, on a vu. Mais. J'ai l'impression que ça sent déjà à la fin du tome 1, quoi, qu'il veut vite conclure, alors je sais pas à quel point c'est ça. Peut-être déjà. Ouais, mais... ça peut aller vite, hein, ouais. Ouais, bah, enfin, c'est con, quoi. Oui, effectivement. Donc, oui. Ouais, c'est vrai que c'est joli, si vous aimez bien les récits d'action, avec, voilà, ange, démon, un duo de protagonistes qui fonctionne assez bien, quand même. Des personnages secondaires assez cool. Enfin, les personnages sont pas ce qu'il y a de plus raté, quoi, mais c'est vrai que, bon... Le récit s'étoffe pas et en soi il n'a pas beaucoup d'intérêt là, je trouve. Bah voilà, c'est surtout ça le problème. Donc voilà, mais par contre, si jamais l'auteur arrive à sortir un truc qui arrive à continuer, pourquoi pas quoi ? Parce que on sent qu'il y a quand même un potentiel, je trouve. Ouais, ne serait-ce que visuel. Ouais, ah oui, de ce côté-là, ne serait-ce que graphique. Mais même, peut-être qu'il y a des idées qu'il aurait pu en vraiment en faire quelque chose de bien, il a juste pas eu le temps parce qu'on sent quand même que des fois. On sent quand même que des fois, ouais, il y a des petites. Des petites idées qui auraient pu donner un truc cool, mais c'est dommage que ça ait pas le temps, quoi. Actuellement, je pense que c'est le moins bon titre de Vega. Oh oui, bah oui. Ouais, ça, oui, oui. Clairement. Clairement. Il n'y a aucune hésitation possible. Ouais. Sally, je lui avais passé, pareil, les tomes, et c'est pareil, elle a pas terminé le premier, en fait. Ok. Qui c'est, Sally? c'est la doctoresse de Necro. Ah. Voilà. Je suis pressé qu'il fasse un commentaire sur ce passage-là du podcast. Non, moi, non, clairement, rien d'autre à en dire. C'est compliqué de... Ben après, on n'a pas lu le deuxième tome, mais ça m'étonnerait fortement que la conclusion soit à la hauteur, quoi. Bon, je viens de feuilleter, ça a l'air de finir en fin ouverte, quoi. Ouais. Ouais. C'est difficile à conseiller, quoi. Surtout quand l'éditeur propose un catalogue de titres bien supérieur à ça, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est surtout notamment ça. Un dont on va parler après, et même si tout le monde en a parlé avant. Ah, même celui qu'on a parlé avant. Je pense que ah oui. Je préfère quand même recommander Kamui Ride. Ah bah oui, oui. De Mandy Seven. Sans aucun doute. Bon, après, on va pas essayer de l'enfoncer. Hein. Non, c'est pour ça qu'on va vite passer ouais. Au prochain titre qui, lui, par contre, nous a plu à tous les trois. Il s'agit, j'allais dire, du personnage, le personnage, édité par Omake Manga, une maison d'édition qui sortait beaucoup de biographies et de livres sur l'univers du jeu vidéo et qui se met à sortir du manga depuis peu. Je passe le manga à Arthur, vu qu'il l'a lu depuis pas très très longtemps. Oui, donc on suit l'histoire d'une jeune fille qui est au collège, dans un petit village où la population est quand même relativement âgée, où du coup le seul collège du coin a seulement une dizaine d'élèves, et est sur le point de fermer parce qu'il n'y a plus assez de gens pour le fréquenter. Ils ont une dizaine d'élèves, mais c'est les pires du monde, quoi. Mais c'est les pires du monde, parce que ce manga parle de harcèlement scolaire, puisque cette jeune héroïne... Quand le harcèlement va trop loin, mais le harcèlement va toujours trop loin, en fait. Et c'est ça, bon, on va pas parler de la communication de l'éditeur, parce que là, je pense que je... On va s'énerver, là. Bah, moi, je m'en fous, mais... C'était maladroit, mais... C'était même pas syntaxique... Voilà, bon, alors, je sais pas ce que je dis, mais c'était pas super français, quoi. C'est la phrase qui est au dos, non? Ouais, quand le harcèlement va beaucoup trop loin, ça s'écrit pas, à la limite, il y a une oralité. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Bah, beaucoup, je sais pas. Ça fait pas. C'est vrai que le beaucoup est peut-être de trop. Ouais, le beaucoup fait trop, trop quoi. Ça sonne mieux, quand le harcèlement va trop loin. Oui, ça... non, mais c'est une histoire de sonorité, mais c'est pas incorrect. Hein. Mais tu vois, on s'en bat les couilles. Ah, bon, mais ça, moi, c'est pas une super catchphrase de non, mais après, moi, mon reproche, c'est pas correct. Bon bref, moi mon reproche c'est même pas la syntaxe en fait, c'est oui. Juste que le harcèlement de base c'est ça va trop loin. Il y a pas un moment où ça va trop loin, il y a pas un moment où genre c'est vrai qu'il y a quand même des fois des barrettes qui brûlent et des fois non. Ouais, non mais enfin, il y a pas un moment où ah oh, bah je me fais harceler, là ça va, c'est la partie cool. Bah non, ça va toujours trop loin. Puis-je finir mon résumé? Les auditeurs sont perdus, ils ne savent pas de quoi on parle là. Bah si, on parle de personnage. On parle de Sally. Ah. Donc podcast, voilà, hein. Donc elle subit le harcèlement de la part de ses quelques camarades, on comprend que ça dure depuis un bout de temps et on est à 2 mois de la remise des diplômes, donc elle se dit qu'elle va essayer de tenir jusque là, sauf que les choses s'emballent, je n'en dirais pas plus. C'est fini en 2 tomes. Ça tombe cacao. C'est fini en 2 tomes, mais c'est des tomes assez épais qui font une 300 pages. Bah, il me semble que c'est 4 tomes au Japon quand t'es regroupé. 4 tomes, ouais, bon. Voilà. En tout cas, chez nous, c'est 2 tomes. Alors moi j'ai pas lu le tome en entier par manque de temps, mais pas par manque d'envie, parce que c'est vrai que j'en attendais pas grand-chose. T'étais même en mode totalement... Je m'en foutais, j'avais à peine noté que ça sortait. C'est Issam et moi qui t'avons dit, non mais lis-le, c'est bien, tu vas voir, et voilà. Ouais. Je l'aurais pas lu, mais il n'y a pas eu le podcast, quoi, c'est ça aussi. Et c'est peut-être notamment parce que graphiquement, ça fait très très amateur. J'adore le style graphique, je trouve que ça colle beaucoup au récit, mais sans avoir l'histoire et juste en voyant passer des planches, ça me donnait pas envie, quoi. Pour moi ça fait pas amateur, pour moi ça fait underground, ouais, vraiment BD indépendante, mais pas du tout amateur. Mais disons que sans m'y intéresser, j'ai juste vu passer une planche, ça m'a pas, voilà. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le style graphique maintenant que je l'ai mis en contexte. Je pense qu'il y avait besoin de ça aussi pour que je l'apprécie. Je pense que du coup je pourrais pas parler du récit avec la même ampleur que vous, mais déjà je trouve que l'introduction est vraiment réussie. C'est un manga qui en effet est vraiment dur, alors bon, peut-être qu'il quand même va dans des extrêmes de harcèlement qui fait que c'est pas très simple pour par exemple des personnes concernées de s'y retrouver ou des choses comme ça. On sent vraiment que les exagérations, on sent que même si jamais il y a un propos social qui d'ailleurs se développe de plus en plus, et c'est bien qu'il y ait ça, où vraiment il y a quand même un côté, le harcèlement est pas là pour rien, enfin il y a des conversations où on sent un peu que ça explique que c'est aussi un contexte qui a poussé à ce genre de choses, etc. Ouais. Ça c'est assez intéressant, mais on sent quand même que le harcèlement est là pour une base, pour un récit thriller dramatique, horrifique, qui en soi fonctionne très bien, même le thème mis de côté, quoi. Donc, et au niveau de son sujet, c'est pour l'instant, de ce que j'ai lu, très bien maîtrisé, et ça peut vraiment dire quelque chose, et en même temps le récit est vraiment captivant. Arrive vraiment à créer une ambiance super glauque et super dure à lire, et très très étouffante par le fait qu'il y a très peu de personnages dans un espèce de village en huis clos. Je trouvais ça vraiment bien bien rendu, et par le style graphique qui a un côté un peu enfantin mais glauque sans que ça fasse caricatural, il y a des faciès déformés, un peu absurdes et vraiment sales, très expressifs. Ouais, très très expressifs. Ça a des moods Higurashi un petit peu. Un peu, ouais, même si... Parce que le chara-design est super enfantin... Ouais, mais il n'y a pas le côté où on doute sur la méchanceté des personnages, enfin, mais il y a un peu, cette ambiance de campagne japonaise un peu flippante. Où tu penses que, à première vue, tout est serein et... Ouais, bon, on n'y croit pas 5 secondes que tout est serein, parce que dès la première page, c'est la merde, mais... Je parlais de la campagne typique. Il y a la thématique assez, assez récurrente, parce qu'au-delà du fait qu'elle se fait harceler, c'est aussi qu'elle vient d'une autre ville, je crois qu'elle vient de Tokyo d'ailleurs, et qu'elle débarque dans cette campagne. Donc c'est aussi la nouvelle famille qui débarque dans un écosystème, entre guillemets, déjà formé. Et du coup, elle remplace l'ancienne victime. L'ancienne victime, c'est ça. Donc on sent qu'il y en avait déjà une avant, de toute façon. Ouais. Donc il y a aussi ça, en fait, elle est totalement isolée, aussi en partie à cause de ça, c'est pour ça qu'elle est prise pour cible. Après, dans les choses que les mangas qui parlent de harcèlement, parce qu'il y en a quand même pas mal, oublient souvent, je trouve que là, les parents sont bien traités. Oui. Les parents s'inquiètent pour leur fille. Sans dire, ils s'inquiètent, ils vont voir la prof, ils lui disent depuis aller à l'école, enfin... Donc le contexte familial aussi est bien traité, bon après... Attention, zone spoilers. Fin à 24 minutes 36 secondes. J'ai bien aimé, en fait, dans la mécanique que ça met en place, avec donc la fille harcelée qui se met à se venger et à tuer tous ses camarades un par un. J'aime bien cette mécanique, finalement, de récit qui se transforme en slasher, mais où la personne qui serait la méchante dans un slasher normal, en fait, c'est un peu la gentille, enfin, c'est la gentille de la première partie. Et je trouve l'inversion vachement intéressante, parce que finalement tu sais pas si t'as envie de les voir punis, en même temps elle est particulièrement monstrueuse dans sa manière. Oui, parce que quand elle se met à se venger, des valeurs assez intéressantes. Parce que quand elle se met à se venger, les autres deviennent des enfants, en fait. Oui, c'est ça. Puis elle y va quand même extrêmement brutalement, parce qu'elle, on a tué sa famille. Oui, elle a volé sa famille, quoi. Oui, ça a été excessivement... Et ils ont aucun remords. Ils ont été excessivement brutaux. Après, c'est des enfants. Est-ce qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait? Elle aussi, on peut dire pareil. On peut dire pareil d'elle, en fait. Le truc, c'est que. On a un personnage, elle devient un personnage typique de slasher sur la fin, c'est-à-dire la tueuse impossible à buter, qui surgit de nulle part et qui se venge et qui se bat ultra brutalement. Qui devient le croque-mitaine, quoi. Mais en même temps, on a toujours l'attachement pour elle. Et je trouve ça vachement sympa. C'est beau faire ça avec Bambi. On sort la zone spoiler ou pas? Pour en dire 2-3 trucs de plus et... Des choses à rajouter hors spoil sur le personnage? Si jamais vous êtes rebuté par, par le style graphique, et ben, ça rentre, ça colle vraiment bien au manga, donc voilà. Et si vous êtes rebuté par... Moi vraiment, avant de me lancer, je trouvais que... j'avais l'impression que ça allait être un peu concon, entre la couverture, la catchphrase de l'éditeur qui est pas franchement bien trouvée à mon sens, le fait que ce soit en deux tomes et que ce soit quand même... La couverture le laisse présager... un manga d'école violent, etc. Ça a des... faut le dire, ça a quand même des fois des aspects de violence gratuite. Un petit peu. Moi je suis pas encore arrivé là, donc j'en sais rien. Dans l'excès. Mais de toute façon, ne serait-ce que le style graphique a déjà un côté un peu absurde qui permet qu'il y ait des envolées un peu absurdes comme ça qui me dérangent pas plus que ça. Moi, pour le coup, et je sais que c'est pareil pour Issam, ça m'a limite donné envie de m'intéresser aux autres travaux de l'auteur. Qui par contre m'intéresse pas du tout, moi. Mais qui sont, par contre, qui ont l'air d'être beaucoup plus comédie un peu concon, teenager. Ouais, mais pourquoi pas, quoi. S'il y a le même talent de scénariste derrière, ça peut être très drôle. Hein. Voilà, à voir. Mais moi, ça m'a donné envie de m'intéresser à ce qu'il fait. Alors, il me semble, anecdote, qu'il a fait de la prison pour un de ses mangas, qui est mis là. C'est son manga sur le jeu vidéo, je sais pas pourquoi, il y a un truc de droit d'auteur ou je sais pas quoi, ou de la prison, ou alors il a eu une grosse amende, je sais pas. Ne dis pas des choses quand tu ne sais pas, Arthur. Mais alors, il a eu un souci de dit... justice, et je crois qu'il a fait de la prison. Mais je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a eu un truc avec un de ses mangas, et qui n'était pas du tout... Mais non, mais ça c'est Sally, on t'a dit. Non mais, il faut arrêter de tout ramener à Sally, laisser là, faire son déménagement. Ah, mais c'est parce que c'est l'auteur de Kenshin. C'est son nouveau pseudo. C'est pour ça que graphiquement, c'est des petites filles... C'est pour ça. Ok. Je te raconte pas le tome 2, hein. Est-ce qu'on en a fini avec le personnage? Oui, on va vous laisser avec une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un ophtalmo sur l'île? Oh putain. Référence à une scène assez dégueu. Ouais. Assez surprenante quand elle arrive. Parce qu'on l'a pas dit dans la zone pas spoiler, mais c'est quand même dégueu. Hein. Ah oui, c'est bien crade. Du public averti. Il est temps de passer à l'une des seules œuvres non asiatiques autour de la table d'aujourd'hui. Ah, mais la seule, non? Bah non, Albator. Ah, et oui, c'est adapté d'une œuvre. Oui, c'est adapté, mais ce n'est pas une œuvre. D'accord. Ah, ce n'est pas une œuvre, ça d'accord. Non, mais. Oui. Après le moment où c'est asiatique, c'était pas une œuvre. Oula, ça aussi, peut-être qu'on va couper quand même. Du coup, la seule œuvre de ce soir. nous allons parler. Arthur et Issam, puisqu'il l'a lu en 3 minutes, montre en main. Mais c'est bouche comprise. Nous allons parler. Enfin, nous allons vous parler de J'adore ce passage. De Tilly Walden. Que on adore. Oui. Voilà. Dont on a déjà parlé à l'occasion de Sous un rayon de soleil. Sur un rayon de soleil. Ouais. Qui est trop bien, lisez-le. Mais là, vous n'êtes pas en parler d'autre chose. Non, mais parle-en vu que tu viens de le lire. Alors, j'adore ce passage. À résumer, c'est assez compliqué puisqu'en fait, c'est juste une histoire d'amour assez simple entre deux adolescentes. En fait, il n'y a pas vraiment de quoi en dire plus. Ouais, enfin, on suit tout leur parcours. Ouais, on suit tout le parcours de leur relation et il n'y a rien à ajouter, c'est vraiment tout simple. Graphiquement, ça fonctionne uniquement par planche complète. Donc à chaque fois, on a un dessin, enfin une planche, un dessin. Et ça suit des petits instants comme ça de leur relation. Il y a rarement deux planches qui vraiment vont se suivre directement. Il y a une ellipse quasiment entre chaque dessin pour suivre sur un certain temps comme ça toute leur relation. Et c'est très réussi, justement, parce que ça réussit à capter des instants extrêmement brefs, souvent avec pas beaucoup de dialogue, voire pas du tout de dialogue, il y a des fois 10 planches qui s'enchaînent sans un seul mot, et ça arrive à très bien capter les sentiments des personnages, et la profondeur de leur relation, aussi brève qu'elle ait l'air d'avoir été. C'est une œuvre... qui a été faite avant ou après sur un rayon de soleil? Après. Avant. Ah, bon, faut savoir, les gars. Après ? J'ai un doute maintenant, mais il me semble. 2015. C'est avant, je pense. Bah, je pense, ouais. Je pense que c'est plus... Parce que sûr, c'est son dernier, je crois. Sûr. Mais il en a sorti au moins. Il en a sorti un, mais... Oui, c'est peut-être. Bon, d'accord, 2015. Ouais, ça a dû être écrit avant. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc ça a été fait avant, c'est... Pour le coup, c'est niveau couleur, il y a quasiment que... Enfin, c'est noir et blanc avec du mauve aussi. Une espèce de mauve violet. Un gros travail sur le monochrome. Et voilà, un gros travail sur les décors, évidemment, vu que ça fonctionne en planche complète, il y a un énorme jeu sur les décors. Enfin, il y a pas mal de planches aussi sans qu'on voit les personnages, ou alors en plan assez éloigné. Je trouve que c'est intéressant que sur une œuvre entière, elle s'éloigne à ce point du figuratif, parce qu'il y avait déjà des envolées un peu lyriques et où elle se laissait plus aller à de l'expérimentation graphique dans ses précédentes œuvres, mais ça restait toujours au sein d'un récit assez dense et que sur des petits moments, alors que là, vraiment, sur une œuvre complète, même si on suit un récit, il est extrêmement minimaliste, et elle se sert justement du fait de pouvoir isoler des petits instants de vie pour faire de chaque planche voilà, quelque chose où elle peut mettre à profit son imagination et son art dans la mise en scène de choses qui sont un peu plus symboliques que ce que ça pouvait être en permanence dans ses précédentes œuvres, même si on sentait déjà qu'il y avait cette aspiration, notamment dans sur un rayon de soleil. Qui du coup va venir date d'après. C'est pas une de ses précédentes œuvres. Qui du coup date d'après. Bon bah, en tout cas, il y a ça dans toute son œuvre, mais là j'ai vu que dans ses dernières œuvres, elle retournait un peu vers ça, enfin de ce qu'elle postait en tout cas sur Twitter, donc voilà. Ça fonctionne très bien, c'est très émouvant. Après, si jamais vous connaissez pas l'autrice, vous pouvez commencer par là, mais clairement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous pencher sur Spinning et sur un rayon de soleil, qui sont, je pense, sans doute plus marquants parce que plus développés aussi. Oui, plus épais quoi. Et, ouais, mais bon, et puis qui ont un récit qui fait que ça marque plus et on retrouve les mêmes qualités. Mais indépendamment de ce qu'elle a sorti en dehors, c'est quand même vraiment très bien et ça confirme tout le bien que je pense de cette autrice. Oui, et puis c'est vraiment l'expérimentation est intéressante. Ouais. Bah c'est tout, non ? Ouais. C'est à vous de me le dire. Pour moi, c'est tout, oui. Pour moi, c'est tout. Donc voilà, très, très beau. C'est édité par qui, je crois qu'on l'a pas dit ? Chez Gallimard, qui sort... Enfin, pour l'instant, il n'y a que eux qui sortent, les comics de l'autrice. Et j'espère qu'ils sortiront toute sa biblio, parce que là, il n'y a que deux inédits, donc ce serait bien de les sortir, voilà. D'accord. Merci, messieurs. Nous allons parler d'une œuvre qui nous aura tous beaucoup moins marqué maintenant. Quelque chose que nous avons tous les trois lu autour de la table. Tu l'as lu toi aussi? Je sais pas c'est quoi. A Sleeping Loving Man. Non, je l'ai pas lu. Écrit et dessiné par Ranmaru Zaria. Édité par Taifu. Du yaoi très explicite. Plus qu'explicite. Oui. C'est, on est à la limite du hentai là. Bah, c'est ça. Oui. Clairement c'en est. En fait. Ouais, enfin, là, ouais. Je pense que clairement c'en est. Oui. Mis à part que les pénis sont floutés. Mais du coup, ça n'a vraiment aucun intérêt. Quoi. Mais enfin, il y a aussi des hentai censurés. Oui, c'est pas faux. Ça existe. Ouais. Donc on y est en fait. Mm. C'est un recueil de nouvelles. Je sais plus combien il y en a. 4. 4 ou 5. Ouais, 4. Clairement, donc on est deux à l'avoir lu autour de la table. Issam et moi, aucun de nous n'a apprécié la lecture. Bah, disons qu'en fait, comme le dit Issam, autant lire de la pornographie et. Quitte à avoir de la pornographie, je préfère de la pornographie où les personnages sont consentants, déjà. Hein. Et où c'est pas censuré. Enfin, je sais pas, ça a aucun intérêt, en bon, fait. Bon, ça, à la limite, je m'en fous, en fait. Bah, je sais pas, je me mets dans la peau d'un lecteur qui chercherait quelque chose, là, y a rien, quoi. Enfin, bah, y a rien, après, c'est quand même suffisamment explicite pour, bon, je ouais. pense, pour que même ça puisse émoustiller un peu. Je pense, parce wow. que... Oui. Si jamais le viol vous émoustille, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, le problème. Après, ouais, c'est que dans la... Enfin, c'est pas pour pardonner, mais c'est que dans la première, non, si c'est vous pas voulez. Vrai. Non, c'est pas vrai. Le personnage qui se fait prendre alors qu'ils sont sur un... qu'ils sont dans un camion avec des gens autour, clairement, au début, il a pas envie. Ah oui, je l'avais oublié. Ça, ah, donc, non, c'est pas dans la première. C'est bon, j'avais oublié. En tout cas, c'est un problème après, récurrent. Après, si vous, aimez, si vous avez un kink autour de la nourriture, il y en a une qui est faite pour vous, ça va pas être si fréquent mais, que ça. Mais c'est la moins pire des histoires, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'est... Enfin, moi, le vrai souci que j'ai, par exemple, c'est j'ai, le j'aime, problème j'aime pas les aubergines. Bon, bah, j'aimerais pas plus les aubergines si on se le mise. Je sais pas d'où on a trouvé cette mais méthode. Qu'est-ce que t'en sais, Sam? Tu vas rester à ne pas aimer les aubergines, ça va, c'est mieux. Peut-être, oui, peut-être que t'aimeras l'autre partie. Je sais pas, mais bon, la combinaison des deux. Peut-être qu'il faut qu'on dise que c'est l'autrice de Void. Chez Taifu également, chez Taifu, qui était en grand était format. Pas mal. Que moi je n'avais pas lu, mais qui m'avait l'air sympa. Qui était pas mal. Bah, graphiquement, c'est pas mal hein, d'ailleurs. Ah, mais oui. Sleeping Man, Under Loving Man, c'est visuellement très joli. Prompt. Oui. Là, on n'a rien à reprocher de ce côté-là. Mais visuellement, en fait, c'est joli. Sans l'avoir lu, on sent quand même que c'est pas la même intention qu'à l'autrice derrière. Quoi. Avec Void, elle voulait vraiment écrire une histoire et un drame avec du cul, mais là on sent vraiment que. Voilà, enfin, on s'en fout un peu des histoires, je pense. Mmh. Hein, tout est juste prétexte à écrire des scènes de sexe. Oui. Donc, quelque part, peut-être qu'on n'est juste pas le public visé. Oui, clairement, je pense. Et que... Bon, après, oui, il y a quand même le problème du consentement, mais ça, c'est quand même relativement répandu dans le boys love. Je m'en fous, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse, mais disons que... Bon. Non, c'est pas une excuse, mais c'est un problème qui touche pas que cette œuvre, donc. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais bon, ça n'en fait pas une excuse. Certainement pas, mais bon. Non, mais c'est pas certainement pas, ça n'en fait pas une excuse. Disons que ça me choque autant, mais ça m'étonne moins de trouver ça dans un boys love que de trouver ça. Bon, en même temps, dans le hentai, c'est pareil. Hein, dans le oui, hentai, mais oui, non, mais j'ai compris, oui. Ça t'étonne mais... pas de trouver des pourris dans la vie politique française, voilà, mais ça n'excuse pas. En général. C'est ça, ouais. Ça n'excuse pas, mais disons que ça suffit pas à dénigrer les gars, surtout que ça. Dans le porno en général, la question du consentement est toujours problématique. Oui, toujours, mais. Mais bon, on va pas se lancer dans une dissertation sur le porno. Non, mais voilà, enfin, je sais pas, moi, ça me tentait pas et ça me tente toujours pas, quoi. Bah, moi, ça me tentait pour l'aspect visuel au début. Forcément, ah, mais c'est clair, c'est joli, tu te rends compte qu'il n'y a que ça. Enfin, pour nous, il n'y a que ça. Ouais, bah c'est faut vraiment vouloir un truc avec que du cul pour apprécier. Donc, bah, il me semble avoir vu passer des avis très positifs. Moi, j'en ai vu passer aussi. De la part de personnes qui lisent beaucoup de Boys Love, donc je sais pas. Oui, de personnes qui tiennent des blogs. Ouais. Voilà. Mais bon. Des personnes avec qui pourtant d'habitude tu es assez d'accord sur le goût. Ouais, mais bon après voilà. Après, ça peut arriver que des fois. Qui ont le souci du consentement, mais qui arrivent à pas rester bloqués là-dessus parce que sinon elles diraient pas beaucoup de boys love, même si jamais il y a quand même pas mal de boys love. Oui. Mais donc des boys love où il y a et du sexe et du consentement, il y en a peut-être pas autant qu'il faudrait quoi. En général, quand il y a du sexe, c'est pas toujours clair. Quand il y a du consentement, il y a pas beaucoup de sexe. Genre given. Ouais. Ah, c'est ça en fait, c'est que c'est plus au niveau des boys love où il n'y a pas de sexe qu'il y a des relations saines. Donc il y a des titres où c'est avec consentement et où il y a du sexe. Après, ils sont peu nombreux quoi. Après, oui, voilà, ils sont peu nombreux, il y en a quelques-uns. Enfin, dans les tout premiers numéros qu'on a fait, il y en a qu'on a lu. Genre le pornographeur, c'est typiquement ça, il y avait du sexe et il y avait du consentement. Et c'était très bien d'ailleurs. Oui. Ouais, bon, enfin voilà. Chez Anna Collection. Donc bon. Bah, je pense qu'on peut passer, hein, parce que de toute façon, clairement, on a, mis à part l'aspect graphique et l'édition de Tefou, parce que Tefou fait toujours un plutôt bon travail éditorial, on n'a rien à. On n'a pas d'autres qualités à mettre en avant. Quoi. Nous allons maintenant parler de Divine, précédente œuvre de l'autrice de l'Atelier des Sorciers, éditée chez Pika. Et c'est Arthur qui va nous en parler, vu que c'est le seul autour de la table à l'avoir lu. Oui, donc c'est Divine en 3 tomes par Kamome Shirahama, donc, dont on connaît l'Atelier des Sorciers en cours. Avec 4 tomes, mais qui rencontre quand même un grand succès, donc je pense que c'est une autrice qui est assez connue. Donc ça, c'est son précédent manga, qu'elle a écrit au début des années 2000, vers 2012-2013, il me semble. Ça parle, en gros, d'une ange et d'une démone qui ont une rivalité, mais qui ensemble... Notamment que c'est Mario Cotillard. C'était pas marrant, une fois... C'est pas marrant. Oui, insiste bien sur le fait qu'on enregistre. Parce que. C'est là qu'il l'avait déjà fait la première fois. Voilà. Mais du coup, t'y tiens quand même. Ah, bien sûr que j'y tiens, attends. D'accord. Non, mais t'as vu comment Issa me rigole. Regarde, écoutez-le. Je suis fatigué. Très bien. Donc, on suit donc ces deux personnages qui, ensemble, vont accomplir des petites actions dans des chapitres indépendants, des petites missions. Voilà. Il n'y a pas vraiment de fil rouge? Bah, le fil rouge, c'est plutôt leur relation et les personnages secondaires qui gravitent autour. Mais bon, il n'y a pas vraiment de fil rouge de mémoire parce que j'ai seulement lu le tome 1 quand il est sorti, donc en juin, il me semble. Du coup, tout n'est pas parfaitement clair. Mais donc voilà, ce sont des chapitres indépendants. On suit leur péripétie. C'est fantastique, comédie. Pour l'avoir lu, c'est aussi beau que l'Atelier des Sorciers. Pour l'avoir lu, c'est aussi beau que l'Atelier des Sorciers. Même si ça a été dessiné avant, ça se ressent pas graphiquement, il y a les mêmes ambitions, c'est tout aussi bien fichu. Je pense qu'elle avait déjà de l'expérience par ailleurs, je crois qu'elle a d'ailleurs sorti un autre manga même avant. Et en tout cas, graphiquement, c'est tout aussi intéressant que l'Atelier des Sorciers. Donc si jamais vous aimez beaucoup l'Atelier des Sorciers pour ses dessins, je pense que ça vaut le coup de lire Divine. Après, c'est vrai qu'au niveau du récit, c'est quand même moins passionnant. C'est très sympa, hein, ça se lit, les deux héroïnes sont relativement attachantes, mais ça fait un peu un gag manga, voilà, il y a 2-3 personnages secondaires assez intéressants, elle a beaucoup d'imagination dans la création de personnages secondaires un peu absurdes, il me semble qu'il y a un homme mouche, un truc comme ça, il y a des trucs comme ça, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, c'est assez surprenant, c'est assez divertissant. Après, voilà, je pense que c'est avant tout à conseiller soit aux gens qui cherchent un manga comme ça, extrêmement divertissant, qui va un peu à 100 à l'heure, tout en restant très clair dans sa narration avec de bons personnages et relativement court, soit aux grands fans de l'Atelier des Sorciers, qui pourront comme ça retrouver le style graphique de l'autrice en attendant le tome 5. D'accord. Voilà. C'est à peu près tout. Et le tome 3 sort le mois prochain, donc comme ça, vous pouvez tout vous lire d'un coup. La conclusion. Si voilà. D'accord. Alors, petite précision, il n'est pas là pour en parler, mais je crois que Necro a beaucoup aimé. Voilà, bon. Il avait lu le premier tome, ça je me souviens, oui. Il l'avait lu, mais... Mais ça se comprend, hein, parce que c'est très bien, c'est juste, bon, voilà, moi ça me séduit moins, parce que j'aime beaucoup le fil rouge de l'Atelier des Sorciers, je trouve que ça a pas côté... Parce que t'es peut-être moins fan du style gang manga. Ouais, voilà, puis ça a pas le côté poétique et un peu plus dramatique même parfois qu'à l'Atelier des Sorciers, qui me plaît moi beaucoup et où je trouve qu'elle est plutôt excellente. Là, il y a pas du tout ça, hein, c'est vraiment de la comédie assez potache. Il y a un peu un côté gag manga des années 90 à la Ranma un demi au niveau de la rivalité entre les deux personnages. Voilà. Donc, d'accord. Mais ça fonctionne très très bien. Voilà. C'est tout, je pense. Et bah écoute, on va passer au prochain manga de notre sélection du mois, qu'on est cette fois-ci tous les trois à avoir lu, puisqu'il s'agit de La Voix du Tablier, édité par Kana et écrit et dessiné par Kozuke Ono. On est trois à l'avoir lu, moi j'ai plutôt apprécié, toi aussi Arthur, t'as trouvé ouais, ça sympa. C'est sympa. Je sais que Issam a plus de réserve. Dans La Voix du Tablier, on suit un ancien yakuza qui décide de devenir homme au foyer, voilà, basta. Bah, c'est un manga à concept, comme il y en a. Enfin, c'est un manga humoristique à concept, comme il y en a beaucoup en ce moment au Japon. Ouais. Et en ce moment, d'ailleurs, ils aiment bien faire des trucs sur des yakuza qui sont mis dans un contexte supposément ridicule. Ridicule pour un yakuza. Oui, voilà, enfin, il y a un truc sur des chats yakuza, il y en a d'autres comme ça sur des yakuza qui se mettent à faire des trucs. Voilà, supposément ridicule pour un yakuza. On parlait de gag manga il y a deux secondes, là, on est totalement dans le. Ouais. Dans la pure tradition gag manga. Un chapitre, un petit gag, et surtout un chapitre court en général. Graphiquement, c'est très très beau. Moi je trouve ça très joli. Ouais, ça a son charme. Après, je trouve que, bon, c'est pas époustouflant. En même temps, il n'y a rien qui s'y prête vraiment. Mais oui, c'est maîtrisé. J'aime beaucoup la gueule qu'il a. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Le personnage principal. Ouais. Il est assez marrant à ce niveau-là. C'est en cours avec 3 tomes. Ça rencontre un grand succès au Japon, il me semble. Oui. Donc voilà, moi je pense pas que je lirai la suite, mais c'était assez plaisant quoi. Ouais, après, c'est peut-être pas le genre d'histoire que j'aimerais voir durer sur des tomes et des tomes, hein, forcément. Parce que je pense que le concept risque de vite se répéter au bout d'un moment. Issam, parce que vu qu'on t'a pas entendu et que toi vraiment t'as beaucoup de réserves. Moi je trouve que, alors graphiquement je suis d'accord avec toi, c'est joli. Ouais, je trouve ça joli. Moi en fait je trouve qu'il se répète déjà le concept. C'est-à-dire, il y a un gag, c'est un yakuza qui est homme au foyer. Il fait des trucs d'homme au foyer, mais comme il a des réflexes de Yakuza, il fait peur. Voilà. En fait, il y a ce gag-là. Déjà, la première fois, je ne l'ai pas trouvé à pleurer de rire. Au bout de la 10e, je commençais à en avoir sérieusement marre. Ouais. J'ai vraiment rien d'autre à en dire. C'est... Il y a une blague, quoi. Bah, c'est pas drôle. Enfin, moi, je trouve pas ça drôle. Quand je dis gag manga et que ça me fait sourire, ça me fait pas... Moi, ça me fait même pas sourire, hein, mais je trouve juste que c'est attachant, que le personnage peut être attachant, voilà. C'est une lecture pas désagréable. Ouais, c'est clair que c'est pas drôle, quoi. Enfin, et non, il n'y a pas que ce gag, il y a aussi le chat. Ouais. Il y a aussi son chat qui fait n'importe quoi. J'ai totalement oublié, c'est dire... Enfin, vraiment, ça m'a... Et il y a un chat qui sort sur un chien à la fin, Issam. Mais après, j'ai pas envie de cracher dessus non plus totalement. Oui, parce que t'as pas trouvé ça non plus totalement nul à chier. Alors, je sais pas si ça a un grand intérêt de comparer les mangas comme ça, mais moi par exemple, dans le même registre, j'aime beaucoup plus Kakushi Goto. Je pense que c'est d'accord avec moi. Il y a aussi ce côté manga à concept, c'est l'auteur qui doit cacher son secret et les gags tournent autour quoi. Bah après, les gags vont quand même plus varier. Oui. Les gags, les situations vont plus varier dans mais Kakushi Goto. En tout cas, ça reste un manga humoristique à concept qui nous séduit plus tous les deux, je pense. Bah, tous les trois, même pour le coup. Ouais, tous les trois, même. Tandis que là, c'est vrai qu'on en revient toujours quand même au mec. Enfin, c'est à chaque chapitre, c'est à peu près la même chose. S'il veut faire un truc tout simple, mais il parle à quelqu'un en faisant peur. Il y a quand même pas vraiment d'autres idées que ça au final, je trouve. À voir si ça se développe pour la suite, mais oui. Moi, je pense pas, par contre. Je comprends, vois parfaitement ce que tu veux dire. Je pense pas que ça va se développer. Ça... Les mangas qui sont comme ça, en général, ont pas beaucoup de développement à ce niveau-là. Donc... Voilà, si jamais ça vous plaît, Et là, par contre, je suis étonné que tu trouves pas ça plus beau que ça, par contre. Hein, oui, enfin, bon... oui, pour le coup, il y a un vrai style, je trouve que c'est assez reconnaissable. Après, je sais pas, enfin, ça me transcende pas, quoi, graphiquement. En même temps, comme j'ai dit, je trouve que le récit se prête pas à faire des dessins particulièrement transcendants. C'est vrai que, enfin, on le voit marcher dans la rue, on le voit, voilà... bon, les personnages sont bien dessinés, et voilà, il a vraiment un style qui se reconnaît, mais bon... c'est un manga à la mode, comme il y en a pas mal qui sortent en ce moment, ça plaît à un certain lectorat, et c'est pas complètement nul, donc... Oui, c'est bon, on est tous les fois d'accord pour... ouais. Sur ce point-là. C'est bien que ça existe, si ça plaît à des gens. Ça existe. Bon, c'est un peu ce que je me dis, hein. Si ça trouve son public, ça fait mal à personne, hein, donc voilà. Contrairement à des mangas qu'on a lus ici même. Oui, c'est ça, pour cette émission. Je sais pas à quel point le Yakuza est ancré dans l'imaginaire collectif du Japon pour qu'il y ait... Bah, ouais, oui, mais à quel point, vraiment, dans le quotidien, voilà, pour que ça peut-être fasse rire beaucoup plus au Japon, je sais pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas humoristiques sur des Yakuza qui sont comme ça, tournés en ridicule. Je pense que dans un pays comme chez nous, tu mettrais plutôt un religieux, je pense, chez nous. Ouais, mais moi, ça me ferait vraiment un peu plus rire. Mais tu vois, non, mais moi, faut faire par le parallèle entre ce que oui, ça représente chez nous. Coup, je me dis, les gens là-haut sont peut-être pas confrontés dans leur vie, enfin, sont pas confrontés peut-être dans leur vie de tous les jours au Yakuza. Enfin, moi, je m'en fous du clergé, même si jamais, voilà, c'est inscrit dans l'histoire de mon pays. Moi, ça me ferait pas plus rire. Mais t'as pas besoin d'être. Comment dire ? C'est quelque chose qui est quand même très présent dans la culture et dans oui, le. En fait, mais... tu le croises même si tu le fréquentes pas. Non, mais c'est même pas ça. T'as même pas besoin d'être en présence pour savoir ce que ça représente. Oui, mais est-ce que vraiment l'image est connue. Est-ce que vraiment ça... Parce que ça a l'air quand même d'être une image... Enfin, ça a l'air de les faire beaucoup rire, quoi. Et c'est vrai que, bon... Ah, en France, moi, aujourd'hui, mais il y a une période, on avait énormément de comédies, justement, avec des membres du... Soit du clergé, soit de l'armée, et deux ont été aussi, très ouais. populaires. Ouais, mais... je pense que c'est vraiment comparable. Tourner en ridicule, quoi. Du pas coup, tourner en ridicule dans des situations de la vie de tous les jours, et donc pour nous, ça nous paraît ridicule. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas sûr que les Yakuza aient la même emprise sur les gens qui achètent, enfin, sur des lycéens de Tokyo que le clergé en avait sur des gens des années 60 en France, quoi. Très sincèrement, je pense que si, potentiellement. Ouais, je sais pas. Ça, c'est une image très sérieuse, c'est une image très renfermée. Ouais, mais justement, c'est tellement tourné en ridicule dans plein de trucs depuis pas mal de temps que pour des gens qui doivent aussi connaître ça que par la fiction et que par, je sais pas, peut-être des cours d'histoire ou n'importe quoi, ou voilà, ou par. Enfin, ils sont pas confrontés à ça quand ils sortent dans la rue, quoi. Donc ils ont peut-être pas à ce point cette image après, sérieuse. Comme après, le Yakuza est quand même encore aujourd'hui très présent chez oui, eux. Mais est-ce qu'un lycéen de Tokyo est confronté à des Yakuza ? Ça dépend dans quel coin. Ouais. Parce que t'as encore des quartiers entiers qui sont dirigés par des Yakuza. Ouais, mais là, il y a moyen. Mais quand tu te vois comme c'est vendu beaucoup et comme ça a l'air vraiment beaucoup de faire rire. Enfin, je sais pas, en fait, je me demande pourquoi ça fait rire, mais en fait, peut-être ça n'a pas l'intérêt de se demander ça, mais... Oui, oui. Tu sais, à mon avis, ceux qui allaient voir le gendarme à Saint-Tropez et compagnie n'étaient pas particulièrement confrontés aux gendarmes non plus. Hein. Ouais. Bon, en même temps, ça ne me fait pas rire non plus, quoi, gendarme à Saint-Tropez. Ouais, c'est peut-être juste... Oh là là, oh là là. Ça me fait marrer. Mais voilà, ça c'est pas... Bon. Alors que les gendarmes, j'en vois pour ainsi dire jamais. Hein. Mais en même temps, toi t'aimes pas ça les gendarmes. Donc, mais non, mais ce qui veut dire, c'est que nous on est plus confrontés à la police qu'aux gendarmes. Ouais. Déjà, ça ne fréquente pas la même partie du territoire. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce que Issam essaie de te dire. Est-ce que tu comprends quand on te parle ? Oui, mais je comprends. Bah, j'ai pas dit que je comprenais pas. Oh. Arrête de donner des coups dans la table, ça fait bouger le micro. Eh bah, tant pis qu'il bouge. C'est bon, on a fini ou... Je pense que vraiment, en fait, ils sont pas. Même s'ils sont pas confrontés aux Yakuza directement, c'est très présent dans l'imaginaire collectif. Et c'est une figure sérieuse qui oui. marche, de base. Ouais. Mais est-ce que ça fait peur au point que ça fasse vraiment rire de le voir acheter du chou ? Enfin, je sais pas. Bon, je suis sûr tant que, mieux, si, que si tu faisais une scène dans un film où t'as James Bond qui, pendant 10 minutes, vit une vie d'homme au foyer, ça ferait marrer beaucoup de monde. Ah bon. Pourtant, pas grand monde n'est confronté directement à James Bond. Ouais. Bon, après, moi, ça me ferait pas marrer. Donc, c'est peut-être juste moi, en fait, qui me fait pas rire. Bon. Ouais, bah voilà, je sais pas. Mais je comprends que le décalage fonctionne. Ouais. Décalage. Oui. Humour, Michael Cole, personnage décalé. Là. Ah, ouais. Tu l'es un mouton. Il comprend pas, il est pas assez de génération. Oui, vous allez mourir avant moi, d'accord, on a compris. Alors, peut-être pas, d'abord. Mais bon. Peut-être pas. Peut-être pas d'abord. Mais bon. Bon, Arthur, tu vas reprendre la parole. Oh putain. Encore une fois, pour c'est un ce truc que, je me disais aussi. Que tu es le seul à avoir lu. La vie devant toi. Parce qu'apparemment, vu qu'on va mourir avant toi, bah, tu as la vie devant toi. Alors vas-y, parle-nous de cette œuvre éditée par Akata, il me semble. Édité par Akata, c'est un one-shot. C'est un gros one-shot même. Un gros one-shot de Hideki Arai, adapté, alors il me semble que c'est un roman, oui voilà, du roman de Taichi Yamada. Je ne connais pas Taichi Yamada, par contre je connais Hideki Arai, qui était publié à l'époque chez Delcourt et chez Casterman, et qu'on connaît en France donc pour Kiichi et The World Is Mine, qui sont alors deux mangas qui ont une réputation excellente. Moi j'ai le second que j'aime beaucoup, et je cherche désespérément le premier. Donc c'est un auteur qui est assez connu pour ses mangas sociaux assez bruts et en général vraiment très très très bon. Il y a eu aussi pas mal d'adaptations au cinéma que peut-être Issam t'as vu, je sais pas. Bon. Je ne pense pas, à moins qu'elles aient un autre titre. Faudra que tu regardes. Bon voilà, donc en tout cas, là c'est la première fois qu'il met son dessin au service du scénario de quelqu'un d'autre. Et voilà, donc... faut que je me souvienne de quoi ça parle précisément. Donc on suit Sosuke, qui est aide-soignant, et qui démissionne de l'EHPAD à la suite d'un accident où il a renversé par accident une vieille femme qui est morte peu de temps après, il me semble. Ah, effectivement, c'est ballot. Ouais, c'est ballot. Donc voilà, il me semble que c'est ça. Et donc après, par culpabilité... il démissionne et il se retrouve à travailler pour un vieux monsieur extrêmement riche, il me semble, et on va suivre leur relation petit à petit, le processus par lequel il va retrouver confiance en lui et en sa capacité à aider les personnes âgées, et aussi le parcours du vieux monsieur en fin de vie et qui va un peu le prendre comme un petit-fils de substitution. Donc c'est un manga qui est à la fois extrêmement touchant, je trouve, et qui en même temps soulève des problématiques assez importantes au Japon, où il y a un vieillissement de la population qui est assez impressionnant, et où du coup le problème de la gestion entre guillemets des personnes âgées se pose vraiment, et du soin qu'on leur apporte ou qu'on ne leur apporte pas. Là en l'occurrence c'est assez bien traité. Alors que selon un homme politique japonais, il ferait bien de se suicider vu qu'il sort plus à grand chose. Bah, on est quand même au bord de ça, hein, donc bon. En même temps, il fait revenir une ministre de l'Intérieur néo-nazie. Oui. Pourquoi pas. La politique japonaise. Ou la politique tout court. Enfin, la politique mondiale. Des institutions, quoi. Bref, ouais, donc voilà, c'est à la fois touchant, politique et engagé. Ça se tient parfaitement, en le bon gros volume que c'est. Graphiquement, c'est très très réussi. Voilà, y a des moments très beaux, il y a d'autres moments plus crus. Mais globalement, la narration est excellente, les personnages sont très attachants. Et voilà. Moi, c'est vrai que je l'ai lu quand c'est sorti, donc en mai. Ça commence à remonter. Mais c'est vraiment une lecture dont je garde un très bon souvenir. Et je suis extrêmement content que ça fasse revenir cet auteur... qui était un peu passé sous les radars depuis quelques années et qui est pourtant extrêmement important au Japon, et j'aimerais bien le revoir sur des œuvres où voilà, son côté violent peut un peu plus se laisser aller, parce que là c'est pas du tout le cas, alors que ses précédents mangas étaient quand même assez crus, voire très très très très crus, et les mangas qu'il est en cours, enfin qu'il est en train d'écrire ont l'air aussi assez excellents à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est un auteur super, super bien. Si jamais vous avez l'occasion de prendre soit ce manga là, soit n'importe lequel de ces autres mangas, je vous encourage à le découvrir. Voilà. Et encore une fois, Akata fait bien de sortir un manga de société, toujours très juste et très très intéressant. Donc voilà. Un bon gros pavé, pas trop projet en plus. Un bon gros pavé. Combien ? 9,95 ouais. Pour le beau format. 400 pages et quelques, je crois, 420. Il y a une entrevue entre l'auteur du roman et du... Non, c'est vrai, moins de 400 pages, en fait. Ouais. D'accord. Et il y a une entrevue entre l'auteur du roman... L'auteur du manga. Et l'auteur du manga à la fin, qui est aussi très intéressante, parce que justement, ils approfondissent un peu certaines questions qui sont soulevées. Une interview croisée. Et c'est plutôt intéressant, et c'est bien de la faire figurer dans l'ouvrage. Oui, donc voilà. C'est toujours très intéressant, ce sont les interviews d'auteurs. Que le thème vous intéresse ou pas, mais je pense qu'il peut vous intéresser parce que c'est des problématiques auxquelles tout le monde est confronté à un moment ou à un autre, oui, a priori. Oui, on fera tous face à ça, enfin j'espère, parce qu'il vaut mieux être vu un jour. Mais toi, tu es atrocement triste, Issam, donc ça ne parle pas. Personnellement, je trouve pas ça triste de pas vouloir être un vieux décrépit qui ne peut plus rien faire. Oui, mais ce serait bien justement qu'on arrive à une situation où on trouve pas qu'être vieux c'est absolument atroce, parce que si l'entourage était assez sollicitant et assez bienveillant et prenait assez soin des personnes âgées, on redouterait pas à ce point la vieillesse. C'est grave d'arriver à un point où on redoute à ce point d'être âgé. Ou si on laissait mourir les gens quand ils veulent vraiment mourir. Oui, mais ça, après, c'est un autre sujet de politique et de société. De toute façon, le monde aura explosé avant qu'on soit vieux. Hein. Je sais pas. Ah, peut-être plutôt les prochains quand même. Hein. Ah, moi non, je pense que c'est nous qui allons. Par contre, je pense qu'on va connaître le fascisme. Ils vont prendre la gueule quand ils auront 20 ans. Non, mais, non, tu vois. Non, mais notre génération, si je pense que notre génération, on le verra pas ça. Nous, je pense qu'on va voir le retour du fascisme, mais qu'on va pas voir la fin du monde. Enfin, la fin de la fin de l'humanité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ou l'extinction d'une grande majorité de l'humanité. Je pense qu'on va voir les prémices. Je pense qu'on va, ouais, on va voir le fascisme qui va précéder, ensuite peut-être une bombe nucléaire, et voilà. Les prémices commencent à arriver, je pense. Ouais. Mais je pense que par ailleurs, Hideki Arai est assez d'accord avec toi, parce que dans ses autres mangas, c'est tout le monde se pisse dessus et se fait exploser des trucs à la gueule, donc c'est... Voilà, là pour le coup aussi, si jamais... c'est ce que j'avais demandé, aimes bien sur les Sam. En tout cas, si jamais les problématiques soulevées par... Peut-être que tu aimes bien uriner sur les autres. Ah, sur les... Est-ce qu'on peut conclure sur ce manga, parce que là je sens que ça va trop dévier. Donc voilà, si jamais vous aimez bien, enfin si jamais vous êtes intéressé par cet auteur et par les problématiques qu'il peut soulever, mais que sa violence peut aussi vous rebuter pour d'autres raisons, et ben sachez que ce manga est pas du tout violent et tout aussi pertinent politiquement. Voilà. Et si vous voulez, on peut prendre des paris sur la date de la fin du monde. Vous m'envoyez une année et j'emmagasine ça, j'emmagasine vos gains, vous en faites pas. Il faut mettre un prix pour participer. Oui, ah bah voilà. Oui, vous pariez ce que vous voulez, mais vous pariez minimum 20€, allez. T'as pas intérêt de mourir vite, tu pourras pas restituer l'argent, faudra que tu restes en vie, je crois. Et voilà, il faut que le gagnant il ait mis la date le plus loin possible. C'est ça qu'on espère au fond. C'est une bonne idée de Patreon, ça. C'est un Patreon évolutif. C'est pas con. On va réfléchir à ça. Et si on passait à un manga tout aussi tristoun, un petit peu moins. Il est pas particulièrement tristoun, hein. Le prochain. La vie devant toi. Ah, non, devant toi. La vie devant toi. Le prochain est un petit peu plus tristoun, puisqu'on va parler de l'autre sortie de chez Vega. Ouais, un peu. C'est romance, un petit peu tristoun. On va parler de Shisako Garden. Je sens que t'as envie d'en parler. On est deux à l'avoir lu autour de la table, donc Arthur et moi-même. Alors. C'est du one shot. C'est du one shot. Le premier one shot. Et c'est plus un recueil d'histoires courtes. Ouais, c'est vrai. En fait. Écrit. C'est vrai qu'en fait, on pense. Enfin. Ouais. Je pense pas naturellement à parler de recueil, puisque c'est vraiment le même univers, oui. Avec, tout est vraiment lié en fait. C'est un recueil, mais les histoires se recoupent. Voilà, tout est vraiment interconnecté. Tout est interconnecté par un concept fantastique qui va se retrouver dans toutes les histoires, et on retrouve certains personnages dans certaines histoires. Putain, c'est beau ce qu'il dit. C'est magnifique ce que je dis. Et ce qui est magnifique surtout, c'est l'autrice de ce one-shot, qui est Yuki Kodama, qui... J'ai jamais vu de ma vie, donc son style visuel, oui, est joli. Ah oui, non, mais je ne sais pas non comment plus. Tu l'as dit, ça a induit un petit moment. Je parle de son œuvre, je parle de Kids on the Slope, notamment, parce qu'on la connaît pour ça, qui était sortie chez Kaze. Il y a quand même... Qui n'est plus disponible maintenant, qui est en arrêt-com, il me semble. C'est en arrêt-com, mais je me demande si c'est pas encore trouvé, par exemple, sur le site de Black Box. Ah oh bah si, bah oui, chez les libraires qu'on a encore en stock, mais il me semble qu'eux, ils ont mis fin à la conservation, je crois. Ouais, et surtout, ils n'ont jamais sorti le dernier tome, mais bon, enfin, qui est un tome supposément bonus, mais quand même... Mais non, oui, c'est des histoires liées à la fin. Ouais. Enfin, le dernier tome. Donc, en tout cas, par Kids on the Slope... Qui a été, en parenthèse, fait en animé par le créateur de Call of Duty. Ouais, donc qui est un très très bon animé. Qui est un manga et un animé qui ont une réputation excellente et qui sont vraiment marquants dans l'histoire récente du manga. Et donc, si jamais vous arrivez à mettre la main sur Kids on the Slope, lisez, c'est un manga de jazz excellent. Et donc là, on la retrouve sur une œuvre qui est beaucoup plus récente parce que ça a été publié. C'est pas pour Usam, t'as vu, j'ai rien dit. C'est bien. Qui est un manga donc publié en 2018, donc c'est beaucoup plus récent. Et donc comme on a dit, ce sont des histoires courtes qui tournent autour de créatures donc qui sont les Chisako, qui sont en gros des petites fées, on peut un peu dire ça, enfin des petits êtres. Oui, c'est des petits lutins, des petites fées, ouais. Des êtres taille miniature qui vivent dans les espaces naturels, et donc à la base dans une forêt, mais là en l'occurrence... Ouais. Que seule une partie de la population peut voir, ouais, voilà. Ça fait partie du... Seule une partie de la population, notamment les enfants, mais en gros les personnes... on le découvre après, mais c'est pas vraiment un spoil, qui n'ont jamais aimé. Qui n'ont jamais aimé d'amour. Oui, qui n'ont jamais aimé... De sentiments amoureux. Sens amoureux. Voilà, donc ce sont des histoires courtes qui tournent autour du fantastique et de la romance, du drame aussi un peu, ouais. Et globalement je trouve que c'est absolument excellent. L'autrice, elle arrive à créer en très très peu de pages des situations et des personnages qui sont extrêmement crédibles. Des vraies ambiances, ouais. Ouais, des vraies ambiances. Et voilà, enfin, des relations auxquelles on s'attache très vite. Ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché certaines histoires. Ouais. Parce que tu as dit, c'est pas que des histoires contemporaines. Oui. Ça se passe à différentes époques. Ça se passe à différentes époques, ça se passe dans différents contextes. Il y a des personnages aussi assez divers. Ouais. Notamment des personnages féminins, c'est divers, il y a des petites filles, il y a des femmes âgées, il y a des femmes rondes, il y a des femmes, voilà, donc c'est... Ah, la représentation, c'est oui, sûr, il y a une bonne... Bon, il n'y a pas de personnage LGBT, ça aurait été bien, oui, mais c'est vrai. Voilà, ça aurait été intéressant, mais bon... Disons, représentation physique, c'est... Oui, voilà. Niveau représentation physique et représentation des personnages féminins, c'est très intéressant aussi. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce qu'elle arrive à faire de ce concept et de la manière dont elle l'exploite dans des récits qui sont à la fois multiples et qui explorent à chaque fois un pan différent de ce concept fantastique, ouais. Et des romances extrêmement différentes aussi. Donc voilà, ça se renouvelle à chaque fois et en même temps il y a quand même une uniformité du recueil qui fait vraiment que ça se lit d'une traite et que ça s'apprécie vraiment. C'est même l'une des grosses forces du recueil, c'est qu'aucune des histoires ne se ressemble en fait. Aucune des histoires ne se ressemble. Alors que pourtant elles sont quasiment toutes basées sur le même moule. Ouais, et on retrouve certains personnages, comme j'ai dit, et surtout, je trouve que c'est aussi vraiment intéressant, et ce qui fait que ce recueil, je trouve vraiment excellent, c'est qu'il n'y a aucune histoire que je mets en dessous des autres, moi. Mmh. Je crois, j'en ai peut-être une préférée, mais j'en ai pas une où je me dis, celle-là, elle est peut-être en trop. Ouais, c'est pareil. Et même... C'est limite dommage qu'il y ait pas... que ça ne soit pas une série, en fait. Eh bien, elle a réécrit des nouvelles sur les Fisako. Il y aura peut-être un second recueil. Un second recueil. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, j'espère que Vega, si jamais ce second recueil voit le jour au Japon, j'espère que Vega sera dessus. Ça serait bien, ouais. D'ailleurs, j'espère que Vega va publier d'autres mangas de Yukiko Dama, parce que niveau narration et niveau mise en place de personnages et de situations, elle est excellente, quoi. Donc, c'est... Mais ouais, c'est... C'est beau, c'est poétique, c'est très touchant, et à aucun moment c'est gnangnang, à aucun moment c'est tire-larme, tout est très très bien dosé, c'est vraiment, c'est vraiment des vraies histoires tranches de vie qui touchent. Ouais, et puis il y a ce qui parfois me pose problème dans certains mangas du genre, c'est la tendance à tout expliciter dans les relations, à peut-être presque à trop parler. Là je trouve qu'il y a beaucoup de jeux aussi sur le non-dit, sur des choses qui passent... entièrement par les dessins ou par des faciès, parce qu'elle arrive aussi à faire des personnages qui sont super expressifs. Et du coup je trouve vraiment que ça rajoute un peu en émotion et en poésie à certains moments, et c'est vraiment super réussi, c'est super maîtrisé. On sent qu'elle est au sommet de son art, en tout cas, et que elle se fait plaisir avec du fantastique, et en même temps elle perd pas de vue toute l'ambition qu'elle pouvait mettre dans ses récits plus denses. C'est clairement l'une des lectures du mois. Ah bah moi clairement c'est ma lecture du mois, et c'est, je pense, c'est là mon histoire préférée, c'est la 2. Moi c'est celle avec, sans trop en dire parce qu'on le sait vite, le garçon qui tombe amoureux d'une Shisako, et, tu sais, où ils vont à la mer et tout, je la trouve super émouvante celle-là. Donc voilà, si tu veux fêter. Vraiment super bien. Moi, je crois que je pour le lire. Ouais, je crois que c'est mon manga préféré de chez Vega. Vega pour l'instant. Avec Kakushi Goto, peut-être à peu près à égalité. Ouais, voilà, c'est mais ça. Mais vraiment, c'est excellent, et soutenez-le, parce que du shoujo fantastique, il n'y en a pas beaucoup, et de manière générale. C'est un one shot qui suffit lui-même, donc c'est pas un investissement. Ouais, c'est un one shot qui suffit. Et... Enfin, il faut soutenir ce genre de manga. Ouais. Clairement, ouais. Et bon, même si c'est publié sous une étiquette seinen, parce que c'est aussi comme ça que souvent l'éditeur a publié du seinen, etc. C'est un chosei ou un shoujo, suivant si vous considérez que le chosei est un genre valable. En fait, aucun genre est valable, enfin en tout cas c'est un manga. Oui, parce que cette classification là on en a déjà parlé, on s'en fout un peu nous, mais c'est un manga qui a été publié dans le Flowers, qui est un magazine excellent, enfin où il y a eu Seven Seeds, Spiritual Princess. C'est vrai que c'est juste que, à mon avis, Vega se veut le renouveau du seinen, et donc du coup ils ont tendance à coller l'étiquette seinen sur voilà, c'est ça, surtout beaucoup de choses qu'ils éditent, quoi. Mais du coup voilà, donc ça confirme encore aussi leur volonté de proposer des œuvres diverses pour divers publics et qui ont diverses ambiances, et c'est vraiment cool. Et d'ailleurs je trouve que c'est un manga aussi qui soutient pas mal, et c'est assez cool, et j'espère vraiment que ça va bien se vendre, parce merci à eux, quoi. Ouais, merci à eux, et j'espère qu'ils vont continuer avec cette autrice, parce que c'est super cool, et elle a plein d'inédits qui sont pas sortis. C'est un éditeur qui fait du bon boulot, quoi. C'est un éditeur qui est là depuis pas si longtemps que ça, ça fait quoi, ça fait un an peut-être maintenant qu'ils sont là. À peu près, ouais. Et pour l'instant, ils font vraiment, mis à part, on a parlé tout à l'heure, Bandit Seven, voilà, c'est tout, ça arrive de faire des faux pas, mais pour l'instant, fort est de constater que tout leur catalogue est bon. C'est clair, et j'espère aussi qu'ils vont continuer à publier des mangas du Flowers, parce que c'est un excellent magazine. Ouais, ça serait bien. Et là, pour l'instant, en ce moment, je crois qu'il n'y a que Akata et eux qui sont dessus, dans les œuvres en cours de parution. Non, il y a aussi Kazé, mais donc voilà. Ça serait bien que, ouais, que Akata ne soit pas le seul représentant du genre Josei slash Shoujo, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, en tout cas, publier des œuvres de cette trempe, c'est vraiment cool. Voilà. À une époque, Kana sortait beaucoup de Josei Shoujo de bonne qualité. Ça s'est un petit peu perdu avec le temps, je trouve. Le dernier vrai fracas, c'était Après la pluie, quoi. Ouais, mais ça, c'est un seinen, mais tu vois... Oui, c'est vrai, enfin, dans le genre romance... Dans le genre romance, ouais, mais ça a pas la même dimension, ouais. Enfin, bon, en tout cas, non, je trouve qu'il y a toujours des bons trucs chez Kana. Après, c'est vrai que ça cible un public peut-être plus jeune aussi. C'est ça. Même si, d'ailleurs, tu sais qu'au Garden, je pense qu'on peut le lire à peu près à tous les âges. Hein. Oui, carrément, il y a pas de... Je pense que ça plaira même... ouais. Il y a le côté imaginaire, oui, fantastique, voilà, qui va parfaitement bien à un public ado. En fait, ouais, je vois vraiment pas qui pourrait ne pas aimer ce manga, parce que vraiment, je le trouve excellent. Bah, Issam, oui, mais Issam, c'est parce qu'il est mort à l'intérieur. Pourquoi je me fais attaquer sur un truc que j'aime pas? Non, bon, je suis persuadé qu'il adorait aussi. Oui, donc, il va sans doute beaucoup aimer. Voilà, c'est excellent. Lisez Shisako Garden et soutenez des petits éditeurs comme Vega, s'il vous plaît. Enfin, petits. Si, petit. Oui, mais ils ont pas pour ambition de rester petit. J'ai pas dit que c'était leur ambition, j'ai dit que c'était petit. Tu sais, oui. Y a rarement des gens qui se lancent dans l'édition en ayant l'ambition de se rater. Oui. Non, mais c'est pas se rater, rester petit, on peut aussi avoir. Mais quoi qu'il en soit. Pas progresser. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu commences. Moi, tu par exemple, quand je ferai de l'édition, parce que j'ai envie, j'ai aucune envie de parasiter le marché, comme peut-être. J'y arriverai très très bien à ne pas progresser. Ne t'en fais pas. Je ne relèverai pas. Quand je sortirai des bons mangas, je te dirai que t'as pas le droit de les acheter parce que. Mais j'espère bien que j'aurai pas à les acheter. Oh là là. Après, ça sert sinon d'avoir des connaissances dans certains milieux. Si c'est pour acheter les trucs. Ah, mais parce que du coup, vraiment, je vais lui donner des trucs à lui. Tu sais que là, toute la bouffe que tu manges, tu vas me la payer après. Hein. Oui, oui, bah la prochaine fois. Oui. D'ailleurs, t'as pas des mangas que tu vas me payer encore, toi? Si. Donc moi, je l'ouvrirai un peu, moi. Mais bon. Oh la vache. Nous allons maintenant passer à un autre manga de chez Kana. Nous allons vous parler de From End, le prix de la liberté. Écrit et dessiné par Mitsuo Shimoki Tazawa. Putain, le nom. Bah oui, c'est pour ça que j'ai mis une petite pause. Le nom est très très long. Ouais. Issam, tu m'as pris le manga des mains, oui, veux-tu en faire un résumé? Le prix n'est pas indiqué dessus, donc le prix de la liberté, on le connaît pas au final. Alors, à mon avis, vu le format, c'est Kana, ça doit être du 7,45. Laisse-le faire, ça. 7,45 la liberté, ça va, c'est pas très cher. Ou. 6,85€. Ah. 6,85€? Mm-hmm. Ah. Petite solde là sur la liberté. Ouais. Donc, c'est l'histoire de Rui Shimomiya, qui est prof de lycée et qui est un élève très renfermé sur lui-même, Rui Ayase. Donc, elle s'intéresse à lui non seulement parce qu'il est renfermé et qu'elle se sent un peu investie d'une mission, elle croit qu'il faut vraiment qu'elle donne le sourire à tous ses élèves. Et puis, il y a la coïncidence de leur prénom aussi qui l'amuse. Mais en s'intéressant un peu à la vie de Rui Ayase, elle va se rendre compte que son père, c'est en fait un homme qui l'a violée et l'a martyrisée quand elle était lycéenne, et qu'il fait pareil avec son fils, il le viole quotidiennement, il le manipule. Non, on peut prévenir que c'est pas décrit à la légère. Ah oui, c'est indiqué hein, pour public averti, et c'est effectivement très cru. Pour le coup, c'est très cru, et si vous avez des sujets sensibles, enfin si vous êtes sensible sur ce genre de sujet, il faut vraiment éviter. Ouais. Et donc les deux Rui vont décider de tuer le père pour se débarrasser enfin de celui qui les martyrise depuis des années, qui les terrifie depuis des années. On s'arrête là. Pour le résumé, ouais, je pense qu'on est bon. Donc c'est l'alliance entre ces deux personnages que beaucoup de choses semblent opposer, mais finalement pas tellement. C'est une histoire d'amitié aussi au début, hein, qui se lie entre ces deux-là, même si c'est une amitié un petit peu forcée par le drame de leur vie. Oui. Bah, c'est la première fois qu'ils peuvent confier ce drame à quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc leur relation est plutôt touchante. Leur relation est plutôt touchante. En fait, si je devais décrire ce manga... je dirais bourrin. Ouais. C'est-à-dire dans la manière d'être, dans la manière de raconter son histoire. Ça va trop dans le vif, en fait. Ça va à fond dans tout. Et du coup, ça n'a aucune subtilité. Comme on l'a dit, les scènes de viol ou de violence en général sont très très crues, très directes. Et en fait, elles sont trop crues. Elles le sont trop. Et pour le coup, le méchant est trop extrême pour se. T'apprends des trucs en fait en cours de tome à son sujet, qui font que c'est censé le rendre extrême, c'est censé montrer à quel point il est dangereux, mais en fait il y a un point où on se dit juste que ça devient impossible en réalité. Donc voilà, je sais pas ce que t'as à en dire, Christopher. Si vous voulez de la série B sans aucune subtilité, ça peut éventuellement vous plaire, mais vraiment faut pas vous attendre à la moindre finesse là-dedans. Oui, non, clairement pas. C'est pas une lecture désagréable pour autant. Non. Visuellement, c'est plutôt classique, ça n'a rien d'extraordinaire. Faut se dire que c'est un premier manga, ouais. Donc ça pourra s'améliorer graphiquement. Mais en fait, oui, c'est surtout ça le truc dérangeant, c'est. On sent vraiment que l'autrice, parce qu'il me semble que c'est une, souhaite vraiment aller le plus loin possible dans son délire. Ouais. Et sauf que, comme tu dis, ça devient too much au bout d'un moment. Au bout d'un moment, c'est trop. C'est-à-dire, au bout d'un moment, un personnage qui se fout devant toi et fait gna gna gna gna, je suis le méchant, non, ça marche pas. En fait, c'est juste ridicule. Ouais. Et c'est ce que souffre beaucoup ce tome 1. Peut-être que ça s'améliore dans le tome 2, on n'a pas encore lu le tome 2. Et je pense que là, on va pouvoir aborder un point qui, moi, m'a vraiment beaucoup perturbé. Ouais. Avec, On passe en zone spoiler. Attention, zone spoilers. Fin à 1h12 minutes 9 secondes. Alors, on apprend ça après que les deux personnages aient réussi à tuer le père, que le père leur a enregistré une vidéo. En fait, il a dit j'étais en phase terminale d'un cancer, donc vous avez tué une personne qui allait mourir, alors ça vous fait quoi? Vous n'êtes pas un petit peu dégoûté? Au contraire, moi j'ai encore moins de culpabilité. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, ils lui font des pièges de ouf, ouais. Genre où il est. Ou même quand t'es en bonne santé, c'est compliqué de t'en sortir. Genre, t'es entièrement scotché, plongé dans l'eau, dans une baignoire, avec des grosses bassines d'eau qui t'empêchent de sortir. Et lui, il y arrive, alors qu'il est en phase terminale d'un cancer. Ça colle pas, en fait. Moi, ça me sort du récit. Oui. Alors, voilà. Pour m'être renseigné auprès d'un ami médecin, effectivement. Alors, il y a deux trucs qui nous posaient problème avec Christopher, c'est le fait qu'il puisse boire comme un trou en ayant un cancer du pancréas. Apparemment, c'est assez possible. Oui, parce qu'au bout d'un moment, ton pancréas est tellement cancéreux que tu sens plus rien. Ouais, c'est ça, c'est en fait la douleur est supprimée, entre guillemets. Et le fait qu'effectivement il puisse avoir autant de force et ne serait-ce que se tenir debout et vivre sa journée quotidienne normalement alors qu'il lui reste 3 mois à vivre, ça par contre, il me dit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins probable. Oui, voilà, c'est quand même un petit peu. Mais encore une fois, ça s'inscrit dans cette volonté de faire du too much qu'à l'autrice, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis le mec, moi j'ai toujours du mal avec ces méchants, ça fait très Jigsaw en fait. Ouais, voilà. Ces méchants qui ont absolument tout prévu, même au-delà de leur mort, t'as l'impression que 10 ans après leur mort, le monde tournera toujours exactement comme ils l'ont prévu. Moi j'ai toujours beaucoup de mal à y croire, une telle organisation. Déjà parce que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse avoir l'esprit nécessaire pour prévoir le moindre geste des gens, et d'autre part parce que ça demande souvent une organisation technique assez phénoménale. Aye. Après, c'est marrant, si on se pose pas de questions, ça peut être marrant, mais il faut vraiment pas se poser de questions sur la cohérence. Voilà, c'est ça. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que dans le genre thriller, on a lu beaucoup mieux. Oui. Depuis le début de la création de ce podcast, on a lu beaucoup mieux. Oui, souvent même, je pense. Et que ce soit en plus en termes de narration et de dessin. Moi, je me souviens, par exemple, en termes de thriller, c'est sorti l'année dernière, je crois que c'est sorti l'année dernière, Museum chez Pika. Bon, déjà rien que ça. Ça a quasiment 2 ans, Muséum. Muséum déjà ? Ouais. Mais voilà, en termes de récits de tueurs, ça se tenait beaucoup plus à route déjà. Oui, ou même, comment ça s'appelait, ce truc sur un père de famille qui tuait le petit ami violent de sa fille. Ah, Miro. Ouais, voilà. Oui, le premier tome donnait plus envie d'en savoir plus dans Miro, oui. Oui. Mais voilà, c'est pas une lecture inintéressante. C'est clairement pas une lecture extraordinaire, c'est vraiment de la lecture moyenne. Après, c'est une série en 3 tomes. On pourra y revenir une fois qu'on aura la conclusion en main. Là, j'ai feuilleté rapidement le 2, il a l'air moins bourrin. C'est ce que je voulais dire, en fait. Violence. Donc, faudra voir. Ce que je propose, c'est qu'on en reparle quand on aura lu la conclusion, mon cher Oussam. Et ça reste propre, visuellement. C'est pas extraordinaire, mais ça reste propre. Ouais, c'est du dessin classique, mais c'est loin d'être moche. C'est ça. Puis à la limite, peut-être que d'ici là... Le jeune homme en face de nous aura peut-être lu le tome 1 ou le 2. Non, je pense pas. Je m'en fous. Il s'en fout complètement. Non, j'ai pas très envie de le lire. Et voilà. Je propose qu'on y revienne quand les 3 tomes seront sortis. Je suis d'accord. On fait comme ça. On va rester chez Kana pour parler d'un manga qu'on a lu tous les 3 cette fois-ci. Il s'agit de Time Shadow. Une lecture beaucoup appréciée par Issam ce mois-ci. Oui. N'est-ce pas? Est-ce que tu ne veux pas nous en faire un petit résumé? Si. Bon, alors oui, moi, c'est un peu mon coup de cœur du mois. Après, j'ai pas lu certains de vos coups de cœur, donc ça joue. Auteur ou dessinateur? Oui, oui. Ah, mais je crois que... venir. Non, je crois que t'allais enchaîner. C'est pour rebondir sur ce que tu disais. Ah, rebondis-moi dessus. Donc, Time Shadow, c'est un manga écrit et dessiné contre là-dessus. Time Shadow, c'est un manga écrit et dessiné par Yasuki Tanaka. Ça nous raconte l'histoire de Shinpei, un jeune homme qui revient sur l'île sur laquelle il a vécu pendant des années, mais qu'il a quitté depuis 2 ans, pour l'enterrement d'Ushio, son ami d'enfance, un peu son amoureuse aussi, plus ou moins, même si c'était pas très net. Sa meilleure amie, slash croche. Voilà. Qui est morte dans des... Alors oui, en général, quand tu vas à l'enterrement de quelqu'un, c'est que la personne est morte, c'est ça. Non mais... qui s'est noyé en tentant de sauver la vie d'une petite fille, d'une camarade de sa petite sœur. Mais une fois sur l'île, il se rend très vite compte qu'il se passe des choses très étranges, qu'il y a des gens qui semblent avoir en fait des ombres, c'est un des espèces de doubles meurtriers. Des doppelgangers. Voilà, des doppelgangers meurtriers. Et il y a une légende qui circule comme quoi quand une personne voit son doppelganger, elle va mourir dans les jours qui suivent. Parce que ce dernier prend sa place. Voilà. Et assez rapidement, alors qu'il commence à s'intéresser à tout ça, Ushio va lui-même trouver la mort, mais il va revenir, en fait, ça va faire une boucle temporelle, il va revenir... Bonjour les campeurs et haut les cœurs. Il y a un peu de ça, il va revenir au moment où a commencé la première boucle, donc au moment où a commencé le manga. Et l'histoire va recommencer, mais il se souvient de tout ce qui s'est passé, donc potentiellement, il sait comment éviter de remourir de la même façon. Il va tenter donc, il va commencer à mener l'enquête sur la mort de sa meilleure amie, afin aussi de protéger la petite sœur de cette meilleure amie, à laquelle il tient beaucoup aussi. Ça s'inscrit un peu dans la lignée des thrillers fantastiques, avec des trucs autour de la temporalité, comme il y avait pu y avoir avec Drop Frame que j'avais déjà beaucoup aimé, donc c'est vrai qu'il y a de base un univers qui me plaît, un univers et des mécaniques qui me plaisent. En plus, je trouve ça visuellement vraiment joli, même si c'est relativement classique. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Très, très chouette. C'est très joli, ouais. Et j'ai trouvé les personnages super attachants. Au début, j'avais peur. Le reproche que je peux faire, c'est qu'il y a du fanservice à plusieurs moments. Mais après, il est présent, il n'est pas non plus tellement représentatif. Oui, et puis dans le tome 2, il y en a quasiment pas. Dans le tome 3, il y a l'air d'en avoir pas mal. D'accord. Le fouetter. Mais après, c'est parce que c'est beaucoup avec ce personnage et elle est très en avant dans le tome 3. Ouais. Et c'est un personnage qui amène à du fanservice dans le tome 1, d'ailleurs. Oui. Donc, j'ai vraiment passé un bon moment. Il y a un bon suspense qui s'installe. Alors, je vais pas entrer dans les détails parce que ça spoilerait un truc du tome 2, mais je trouve qu'il y a une idée très intelligente pour amener de l'urgence. Le tome 2, tu es le seul à avoir lu. Ouais. Ouais, très bon moment pour moi. Je sais que vous avez... Enfin, toi, Arthur, t'as moyennement apprécié. Non, alors... moi, j'ai moyennement apprécié parce qu'en ce moment, j'essaye de vraiment lire que ce qui me plaît le plus. Du coup... Mais disons déjà que je m'attendais à pas grand-chose parce que ça me tentait pas beaucoup, que le côté slasher, etc., enfin... avec pas mal de fanservice et tout, ça peut quand même vite tourner au nanar. D'ailleurs, j'avais un peu peur de ça au début aussi. Et non, finalement, je trouve que c'est assez ambitieux, que sur pas mal de points, c'est assez réussi. Ça m'a beaucoup fait penser à Drop Frame, ce qui n'est pas du tout un point négatif. Et en plus, étant donné que c'est quand même en cours avec 6 ou 7 tomes, 7, ouais, etc., donc je me dis que ça peut être plus développé, plus poussé, avec plus d'idées, avec un côté fantastique plus poussé. Et non, moi j'ai trouvé que le premier tome était assez prenant. Qu'il suffisait pas aussi peut-être pour encore vraiment trancher entre ce qui pouvait éventuellement tourner au nanardesque. Je trouve que le premier tome est quand même toujours à la limite sur pas mal de trucs, avec du fanservice poussé à certains moments ou des trucs qui semblent totalement absurdes sur le coup, mais finalement si tu dis que c'est bien géré, et je te crois parce que ça a l'air en feuilletant un peu la suite, ça peut conduire à des choses assez intéressantes. Ça amène très vite des nouvelles révélations, t'en apprends très vite plus vraiment sur le contexte. T'as énormément de choses qui sont posées dans le tome 2 justement. Des nouvelles mécaniques à apprendre pour le personnage et tout. Mais le tome 1 est déjà assez intéressant là-dessus et vraiment vraiment prenant en tout cas. Graphiquement aussi ça me plaît pas mal. C'est vrai que c'est une série par exemple que je serais assez tenter de continuer. Bah moi, la vraie crainte, c'était la même que la tienne. C'était le la présence de fanservice. Il n'y avait pas que le fanservice, c'est que je trouvais que tout l'emballage, même marketing, et, après, etc., me faisait vraiment craindre. Il y a aussi un autre problème, et je pense que tu as le même problème. Le problème, c'est que c'est Canal, que je trouve que c'est un éditeur qui a tendance à sortir de moins en moins de bons trucs, vraiment. Et qui sort surtout des mangas faciles, en ce moment. Bah, après, voilà. C'est aussi pour ça que j'avais peur, tu vois. Compte tenu du contexte éditorial, etc., en ce moment chez Kana, c'est vrai que je m'attendais peut-être à... Enfin, je partais avec beaucoup, beaucoup d'a priori, et j'ai été quand même très agréablement surpris. Voilà, je pense que ce serait sorti chez n'importe qui, ne serait-ce que je trouve que la couverture du tome 1, par exemple, elle est très très ratée, ce qui n'est pas du tout le cas des suivantes. La couverture du 2 n'est pas terrible. Hein. Moi j'aime bien la couverture du 2. Je trouve qu'il y a déjà un truc sur le double, etc. Et j'aime beaucoup, beaucoup celle du tome 3 et j'aime beaucoup les suivantes, mais je trouve que celle du tome 1 fait vraiment beauf, quoi. Fait vraiment, vraiment beauf. Beauf, j'irai peut-être pas jusque-là, mais... Beauf, je sais pas, enfin... Bon. En tout cas, me donnait pas du tout envie, et avec tout le contexte, et faisait que je partais avec des a priori. Mais non, je trouve que même il y a un sens du... Je trouve que les dialogues sont assez bien écrits, que les personnages sont assez intéressants, sont pas attachants, mais sont assez intéressants. On sent que vraiment il y a pas mal de choses qui ont été pensées en amont au niveau du scénario et qui vont se révéler petit à petit et qui peuvent faire qu'il y a un potentiel qui, je pense, pourra tenir ses promesses. Mmh. Et en tout cas, comme le titre a un peu de succès, je suis des personnes qui lisent les scans et qui apparemment disent que ça continue très bien. Donc pourquoi pas? Et si vous aimez le genre, ça peut vraiment vous plaire, je pense. C'est ça. Ouais. Avec on peut du coup reconseiller Drop Frame, déjà mentionné dans cette chronique. Est-ce qu'on en a fini avec Time Shadow, messieurs? Ouais. On va passer très rapidement sur Captain Albator. On va passer très rapidement parce que je suis le seul à l'avoir lu. Captain Albator, on reste chez Kana, mais dans un format BD européenne cette fois-ci. Écrit et dessiné par Jérôme Alquier et bien entendu basé sur l'univers de Leiji Matsumoto, donc Albator, le corsaire de l'espace. Je suis le seul à l'avoir lu car... alors, Arthur, l'univers Albator, tu connais? Ouais. C'est pas un univers qui te déplaît sans que ça soit un univers qui te passionne non plus? J'aimais beaucoup en étant petit. Tu es toujours petit pour nous. Oui, mais c'est pour ça que j'ai un peu hésité avant de le dire parce que je savais que j'allais prendre cette remarque. Mais je suis majeur maintenant. Donc, Et vacciné? Non, je suis pas à jour sur mes vaccins. Merci de me faire penser aussi, il faut que je fasse ça ce week-end. Bref. Ça passionnera nos auditeurs. Ça passionne. Mais écoutez, sachez que quand vous écoutez, je suis à jour sur mes vaccins et vous pouvez m'envoyer des félicitations. Et t'as vu qu'il a toutes ses dents. Ouais. Je crois. Encore. Non, ouais, si, c'est vrai. Bon, on passe à autre chose. Et quant à toi, Issam, l'univers d'Albator, on peut dire que tu t'en carres un peu. Oui, c'est pas particulièrement... Est-ce que tu t'en carres ou est-ce que... Parce que je connais pas du tout l'univers, et quitte à commencer l'univers d'Albator, j'aimerais bien commencer par du Matsumoto. Oui, parce que, par contre, pour apprécier Mémoire de l'Arcadia, il faut connaître le background d'Albator. Ouais. Parce que c'est une nouvelle menace en fait qui arrive, mais une menace qui est amenée par la menace historique d'Albator, donc les... Les Sylvires, qui sont jamais battus parce que le manga s'est arrêté. Voilà, c'est ça aussi. Le problème d'Albator, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de fin dans Albator. Quoi. Mais c'est intéressant aussi, je trouve. Mais donc, on est dans du pur space opéra. On est vraiment dans une œuvre qui représente bien ce que Matsumoto a fait dans le passé avec Albator. Le format BD traditionnel se prête plutôt bien. Même graphiquement, Jérôme Alquier a repris la patte de ce qui est disponible en manga par Matsumoto, ou même, j'ai oublié l'auteur de Dimension Voyage, qui est un manga très chouette, qui est très très chouette, Dimension Voyage, édité aussi chez Kana, qui est toujours en cours, lui. Moi, en 10 tomes, je crois. Ah, c'est fini, ça y est? Ouais, en 10 ou 11 tomes. Mais c'est pas fini en France, mais c'est fini. Il y a une fin? Bah oui, là, du coup. T'es sûr? Ouais. D'accord. moi, en fait, il y a un seul problème que j'ai avec ce format-là, c'est la colorisation. Parce que, je vais le faire tourner à Issam, et puis même à Arthur... J'ai l'impression que niveau colorisation, on dirait un dessin animé qui aurait eu des captures d'écran. C'est vrai qu'elle est plate, la colorisation. On dirait vraiment ça. On dirait comme on achète... c'est Glénat qui fait beaucoup ça avec les films One Piece, avec les films Dragon Ball, qui font des captures d'écran et qui l'éditent en format manga. C'est très particulier. Alors déjà la colo, c'est une colo purement numérique. Ça se voit et ça saute aux yeux direct. Ce qui n'est pas un mal en soi. Oui, c'est ce que j'allais dire, ce qui n'est pas un mal en soi. Mais il y a vraiment l'impression de capture d'écran de dessin animé. C'est très perturbant. On dirait les magazines Club Dorothée qui sortaient quand j'étais minot, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un truc étrange. On est d'accord, je suis pas fou. Mais sinon, mis à part ça, niveau histoire, c'est plutôt intéressant parce que ça, l'auteur met en place une nouvelle menace. Alors certes amenée par les civils, mais au moins c'est une nouvelle menace. On repart pas sur des trucs qu'on connaît déjà. À voir, parce que ça sera une histoire en 3 tomes. C'est encore trop tôt pour dire. Parce que clairement là, on pose les bases. Mais le premier tome est plutôt engageant. Pour peu qu'on apprécie l'univers Albator. Ouais. Et pourtant, autour de la table, on est 3. J'y allais à reculons, et aucun de vous deux ne voulait le lire à la base. Encore une fois, pas parce que ça me repoussait. Oui, pas toi, parce que voilà. Je connais pas l'univers. Et puis moi, vraiment, j'y allais à reculons. C'était. Alors qu'au final, j'ai été vraiment agréablement surpris par ma lecture. Ouais. Au point de vraiment, maintenant, être dans l'attente du tome 2 pour voir vers où ça va. Ok, bon, c'est cool. C'est plutôt finalement une bonne surprise. Je sais qu'il y a une version collector, c'est qui est sortie en... Mais je sais pas ce qu'elle a de plus, par contre. Peut-être un format plus grand. Un format plus grand, et ouais. Je me demande si les tomes sont pas dédicacés, un truc comme ça. Il y a peut-être un bonus en plus, je sais ouais, pas. Ouais, ça c'est peut-être... Ouais, la dédicace serait... Peut-être un peu trop, mais je sais pas, je sais plus. Enfin, un format plus grand, ça pourrait bien se prêter, mais voilà. Il y a un format plus grand, mais donc il y a quand même une volonté de séduire le lectorat BD. Oui, parce que je pense que Albator est une licence très ancienne qui potentiellement... on l'a connu en France bien avant l'arrivée même du manga papier, quoi. Et donc forcément, ça peut toucher un public de BD, de lecteurs de BD francophones. Et est-ce que tu penses qu'on peut lire en n'ayant qu'une connaissance superficielle de l'univers d'Albator? Non, j'ai indiqué au début, mieux vaut quand même avoir un minimum de connaissances, parce que ça introduit des personnages que tu vois dans d'autres séries liées à Albator. Oui. Voilà. Mais, par exemple... Alors si tu peux, mais tu manqueras des références. Ouais, mais en fait, même en lisant Albator en soi, on manque déjà de références, parce qu'il y a déjà d'autres séries en parallèle. Enfin, l'univers de Leiji Matsumoto est déjà dense, et ce qui fait qu'il faut limite lire tous les mangas dans l'ordre. Mais clairement... Pour qu'on arrive à suivre. Mais clairement, c'est fait pour... Déjà, c'est fait pour le public français. Clairement, c'est pas fait pour un autre public. C'est fait pour le public français qui a regardé le dessin animé. C'est pas pour rien que la pub... Ah, comme le film Nicky Larson. Oh putain. Non mais, tu vois, par exemple, exemple de ça, c'est pas pour rien que la pub qui passe à la télévision pour cette BD, c'est Richard Barbois qui l'a fait. Tu vois, mon Dieu. Donc, non mais le doubleur... Non mais, c'est parce que tu l'as dit sur un ton extrêmement dramatique. Je suis en train d'imaginer maintenant l'adaptation d'Albator par Philippe Lachaud. Cette catastrophe ambulante. Mais donc voilà, agréablement surpris par Captain Albator, Mémoire de l'Arcadia. Et peut-être que j'en redirai à la lecture du tome 2, et pourquoi pas à la lecture du tome 3. Voilà. C'était la petite parenthèse Albator. Ok. Et je pense qu'on peut directement passer au prochain titre, lu par Arthur et moi-même. Il s'agit de... Tu prononces ça comment? Canon ou Canon? Canon. Comme les appareils photo? Ouais, mais en plus ça s'écrit pareil, non? Ah non, non, c'est avec un C. Canon. Ouais, enfin. Donc Canon, au bout du monde, édité par Akata. Ouais, Akata. Et écrit et dessiné par. Écrit et dessiné par Kiyo Yoneshiro. Alors Issam ne l'a pas lu, moi je n'ai pas lu le tome entièrement. Donc je vais te laisser. Toi, hein. Donc je vais te laisser en faire un résumé. C'était bien. Ouais, donc moi j'ai lu les 2 tomes qui sont parus pour le moment. C'est une série en 5 volumes, donc ça parle... alors déjà, ça s'inscrit dans un univers où les extraterrestres ont... donc déjà, sont venus sur Terre et sont plus ou moins en train d'essayer d'envahir la Terre, de mémoire. C'est flou. Ouais, dans le premier tome, c'est flou, en tout cas. Sur ce niveau-là, ça m'a un peu fait penser, par exemple, au premier volume de DDDD. Enfin, il y a des extraterrestres, on sait pas trop pourquoi ils sont là, mais là, en même temps, ils attaquent un peu. Enfin, il y a des combats armés, il y a un truc qui est tombé derrière moi. Bref. Donc ça s'inscrit dans cet univers et on suit une jeune fille donc, qui s'appelle Canon qui est amoureuse du même jeune homme depuis... Qui s'appelle Panasonic. C'est extrêmement drôle ça. Qui s'appelle, je ne sais plus, mais un moment... Sauf que c'est un peu un boulet, Canon. Putain, on est en forme aujourd'hui. Wow. On fire, quoi. Donc elle est amoureuse du même jeune homme qui s'appelle Sosuke depuis le lycée, qui est un jeune homme, voilà... Il s'appelle Sosuke depuis le lycée, hein. Avant, il s'appelait autrement. Avant, il s'appelait Thierry, et du jour au lendemain... Avant, il s'appelait Sally. Oh la vache. Bref, voilà, et qui lui, donc déjà, avait déjà été extrêmement populaire avant, et qui maintenant est dans les forces armées, dans le combat contre les extraterrestres, etc. Extrêmement médiatisé, c'est un peu devenu une figure, pas de la résistance, mais voilà, enfin une figure de la lutte contre les extraterrestres. Donc il n'hésite pas ouais. à laisser des morceaux de lui. Oui, quoi. Alors parce que voilà, quand ces combattants se battent et sont blessés, ils peuvent, avec les avancées de la science, être régénérés. Mais leur personnalité en est altérée dans des mesures qu'ils peuvent pas trop prévoir avant. Parce qu'elle acquiert la personnalité du précédent porteur, non de... Non, c'est pas ça, c'est juste que en changeant des trucs, je sais pas trop, génétiquement ou quoi, ça affecte des souvenirs, des éléments comme ça qui affectent la personnalité. De ce que je me souviens, mais tout ça est assez flou et justement je trouve que c'est assez intéressant qu'on c'est comme si c'était très naturel, mais on en sait juste assez pour que ça c'est très lunaire hein, comme tout est expliqué. Ouais voilà et donc on suit leur relation mais sur un peu ça fait très régénération de Docteur Who quand même hein. Du coup Non parce que déjà ils gardent la même tête. Oui mais bon la régénération le et côté parfois sa personnalité est pas du tout altérée et parfois seulement sur des trucs cons genre il aime plus les artichauts et parfois sur des trucs très importants genre il aime plus une femme ou il aime plus voilà des trucs comme ça ou il devient méchant ou il devient manipulateur enfin, un truc mais c'est toujours assez subtil et des fois on se demande dans quelle mesure expliqué comme ça. Non ouais non mais c'est un manga qui globalement est extrêmement dense, riche et assez complexe. Un jour il va perdre un bras, il s'appellera Hans, le lendemain Bah c'est embêtant là, avec un bras au moins. Ça dépend on peut plus faire certaines choses. Là, ça dépend quel bras quoi. Ouais, merci d'avoir fait le geste Arthur. Les auditeurs n'étaient pas obligés de savoir ça. Écoutez, on parlera de Noun au prochain podcast. Les nazis arrivent. Les nazis arrivent en manga. Et non mais. Et en BD aussi si un éditeur fait son boulot. On va avoir masse de nazis la prochaine fois. Faudrait peut-être qu'on fasse un épisode spécial en fait. Faudrait qu'on fasse un épisode spécial BD manga BD nazi. Non mais enfin genre avec des personnages nazis, ce serait bien, il y en a plein. Est-ce qu'il y a une version Minecraft de manga? Ah oui. Chez Kurokawa. Alors pourquoi pas? Il parle de Zarathustra et du Capitaine. Kuropop, ça fait quoi là? Mais c'est vrai que c'est Kuropop en plus qui dit ça. Ouais. C'est Kuropop. Kuropop. Est-ce que c'est pop Minecraft? Je ne sais pas. Ok bon. Est-ce que Minecraft c'est pop? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez nous répondre à cette question sur le Discord. Le casse sur table. Qui est aussi le Discord de plein de trucs. Est-ce qu'on peut parler de Canon? Allez, parlons de la Canon. D'accord. Je sais pas si ça suffit pour le synopsis, mais je crois. Bon après c'est comme on a dit une narration qui est assez particulière parce que ça tranche un peu, enfin il y a la naïveté du personnage et son côté vraiment presque héroïne de shoujo lycéen, elle a un côté qui fait très très naïf dans sa manière au début en tout cas d'appréhender ses sentiments et d'appréhender sa relation. À la lecture du premier chapitre elle a l'air très obsessionnelle dans alors, son rapport. Il y a ça aussi, c'est elle que... arrête pas de le prendre en photo, en fait, bon bah pour tout... Canon c'est normal mais... Oh putain, tout est comme ça, enfin il y a beaucoup d'éléments, enfin on est dans un espèce de malaise qui est créé par le fait qu'il y a pas mal de choses extrêmement tendres, mignonnes, etc. mais qui sont contrebalancées par des éléments extrêmement glauques, soit du contexte, soit des personnages. Quoi. J'aurais pas dit qu'elle a un comportement malaisant. Ah si. Oh, je sais pas. Là. Franchement si. Mais j'aurais dit niais, naïf, mais pas malaisant. Si. Elle est super creepy. Enfin, dans la vraie vie, ce serait super gênant ce qu'elle fait, quoi. En tout cas, donc il y a une certaine naïveté et un côté enfantin qui se confronte à la violence du contexte et à des personnages qui sont loin d'être unilatéraux quoi, donc et qui se développent au fur et à mesure vraiment bien. Donc moi, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. J'avais des doutes à la fin du tome 1 justement parce qu'il y a beaucoup de choses où c'est assez flou, mais c'est en même temps totalement maîtrisé et totalement voulu de la part de l'autrice. Voulu, faut tout. Ou de l'auteur, je sais pas, enfin, de la personne qui dessine ça. C'est pas précisé. La qui dessine ça. qui dessine ce manga. C'est très joli, également, faut le préciser. Y a des passages. Alors toi, tu l'as pas lu, cette scène, mais notamment sur la fin du premier tome, il y a toute une séquence qui est extrêmement impressionnante graphiquement, et globalement, il y a des petits moments extrêmement oniriques, on est plus confronté à la science-fiction. Oui, mais très tôt, il y a des passages oniriques. Oui, il y en a beaucoup, mais sur la fin, il y en a un qui est vraiment très, très, très impressionnant, la manière dont c'est mis en scène, et vraiment, vraiment réussi. C'est très crépusculaire hein, comme ambiance. Ah oui, c'est vraiment, vraiment réussi à ce niveau-là, il y a une vraie ambiance, je trouve, déjà... qui ressort déjà juste sur les couvertures, hein, elles sont vraiment réussies à ce niveau-là. Elles retranscrivent vraiment bien l'ambiance qu'on trouve dans le manga. Et... ouais, moi, c'est vraiment une bonne surprise. Je m'attendais pas à grand-chose, en tout cas vraiment pas à ça. C'est un manga qui a une atmosphère qui est vraiment unique. Pareil, oui. Que je pense pas avoir vu ailleurs, parce que... elle est vraiment travaillée sur des mélanges et sur des frontières. Et une ambiance très paix et très fin du monde, en fait. C'est très bizarre. Oui, voilà. Y a, DDD s'en rapproche. DDD s'en rapproche, mais là, ce que j'aime beaucoup, parce que DDD, même si j'apprécie beaucoup, voilà, c'est notamment le fait que les personnages sont écrits d'une telle manière qu'on n'arrive jamais à les appréhender totalement. Quand on veut s'attacher à l'héroïne, on se rend compte qu'elle est complètement creepy deux secondes après. Le protagoniste masculin, des fois, il a des comportements de merde, on sait pas si c'est lui, s'il a été altéré, découvre après des secrets, tout ça, des trucs comme ça. Et même, tous les dialogues sont vraiment bien écrits, et à chaque fois, dans toutes leurs interactions, il y a toujours ce mélange d'attachement et de révulsion qui se crée, parce que tout le manga fonctionne là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est intéressant, sans jamais tomber dans, justement, des travers trop simples, de glauque ou de violence ou quoi, il n'y en a pas du tout. Tout est vraiment psychologique et vraiment vraiment bien construit à ce niveau-là. Mais moi, très tôt, oui, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ah oui, non, mais il est excellent. Tu l'as pas fini, pourquoi, le tome ? Par manque de temps. Ouais. Tout simplement. Mais ne serait-ce que la lecture du premier chapitre, il y a tout ça qui ressort. Hein. Ah oui, oui, par manque de temps et par fatigue actuelle, quoi. Parce que c'est pas disons que c'est pas un manga qui respire le dynamisme, par contre. Et que quand tu le lis et que t'es fatigué. Tu peux piquer du nez facilement. J'ai lu le tome en étant fatigué, ça m'a pas dérangé, mais je vois ce que tu veux dire. Après, c'est en plus au début, mais c'est quelque chose qui me plaît aussi, hein, justement, dans la lenteur que ça prend. Après, moi, comme je disais, j'avais vraiment des doutes à la fin du tome 1, mais ça se confirme et ça s'améliore au fur et à mesure, et ça reste tout aussi dense, même en apprenant davantage, il y a d'autres zones d'ombre qui se créent. Et... non, vraiment, c'est une excellente publication. Après, dans le catalogue d'Akata, même si c'est beaucoup moins spontanément dramatique et que c'est beaucoup plus particulier, ça me fait un peu penser à Dernière Heure, dans le côté il y a une guerre contre des extraterrestres et un côté de relationnel et humain. Que j'ai pas lu, Dernière Heure. Que t'as pas lu, mais qui est... c'est prévu, hein. Excellent aussi. Faut que je me les prenne. Voilà. Ouais, c'est un... si on veut faire des exercices de croisement comme ça qui sont pas super intéressants, mais c'est un croisement entre Dernière Heure et DDDD pour moi. Tel que t'en parlais, ça me faisait aussi penser à L'Arme Ultime. C'est peut-être pas aussi évidemment dramatique. C'est presque heureusement pour le bon. Ouais, non, mais L'Arme Ultime c'est quand même un sommet. Mais oui, ouais, si on veut aussi L'Arme Ultime. Mais il n'y a pas autant les combats quand même. Ouais, c'est vrai que dans l'arme ultime, il n'y a pas non plus massivement les combats. Mais là, vraiment, on le voit jamais se battre. Le seul moment où on le voit se battre, c'est à la télévision, quoi. Deux secondes, quoi. On a fini avec Canon. Oui. Il est temps de passer à l'avant-dernier titre de cette sélection. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Un titre édité par Ki-Hoon. Est-ce que c'est une création originale, ça ? Oui. Oui, c'est une création originale. Tu veux refaire ta blague de manière spontanée ? Donc, édité par Ki-Hoon. Qui ? D'accord. Voilà, une création originale de chez Ki-Hoon, Tsugumi Project, écrit et dessiné par Ipatou. Non, là j'ai rien. T'as rien, d'accord. Ipatou en minuscule, d'accord. D'accord. Ki-Hoon font suffisamment de réflexions sur Twitter par rapport à ça. Le fait que le nom de l'auteur c'est uniquement en minuscule, pas de majuscule. Waouh. Ouais. C'est vrai qu'il faut une réflexion. Non, c'est vrai, oui, il y a une réflexion. Waouh. En mode, c'est écrit qu'en minuscule. D'accord. Alors c'était pas des réflexions méchantes, hein, mais c'était bien pour appuyer. Après, okay. Si c'est une volonté de l'auteur. Non, bah. Oui, il a un sacré caractère. Il appelle la police si on se trompe. Non, mais ça. Ah, c'est pas un comique sans un masque. Alors je propose qu'on passe à BL Métamorphose. Oui. Tsugumi Project, est-ce qu'on est droit à avoir lu autour de la table ? Non, j'ai pas lu. Oui. Tu l'as pas lu alors que tu devais le lire, sale gosse. Oui. Bon bah ça va être. En vrai, ça va être rapide, parce qu'il n'y a pas grand chose à en parler, parce que c'est un tome vraiment très introductif, où on suit. Comment il s'appelle ? Léon. Pourquoi tu rigoles ? Je sais pas, ça me fait marrer comme nom. Non mais vas-y. Léon, soldat européen envoyé dans un Japon post-apo et surtout abandonné depuis 200 ans, parce qu'il n'y a plus grand-chose à sauver là-bas, dans un pays où tout le monde est mort depuis 200 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, tu vas chercher une arme. Une arme qui a pour nom le Tsugomi, d'où le titre du manga, Tsugomi Project. On n'en sait pas plus sur cette arme, mis à part qu'elle serait redoutable. Et en fait, tous les personnages n'en savent pas plus. Leur mission, c'est tu vas là-bas, tu trouves le Tsugomi, tu reviens, et tout est crime, parce que je pense que c'est des soldats. Il me semble que c'est des soldats. C'est tous des criminels. Donc tous des criminels. Cet aspect-là, c'est de lâcher un canon. Complètement. Et franchement, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce premier tome, parce que, au final, l'histoire avance très peu. Oui. Puisque tout le début du tome, c'est on t'explique un petit peu tout ça, il est envoyé sur au Japon, et puis démerde-toi Coco. Et là, il va tomber sur une enfant harpie. Pourquoi tu rigoles? C'est un mot marrant. De quoi, harpie? Ou enfant? Ou tomber? Harpie. Ou sur? Harpie. Pourquoi? Je laisse du rêve blanc. Celui-là ne sera pas coupé. Et donc, on va le suivre dans sa mission de trouver cette arme qu'il doit ramener à son gouvernement. Après, d'une certaine façon, c'est cohérent qu'on n'en sache pas trop, étant donné la position du personnage. Oui, parce qu'il est dans le flou lui-même. Oui. Et comme ça, ça permet d'être dans la même position que lui. Mais je t'avoue pas que un petit peu plus d'informations n'auraient pas été peine perdue. Moi, c'est pas l'information qui m'a manqué, ce qui m'a un peu posé problème avec Tsugomi Project. En fait, on peut diviser le tome en deux moitiés. Une première moitié très exploration et une deuxième moitié plus action. C'est la deuxième moitié qui pêche le plus. Et pour moi, les deux pêchent, parce que la première, je trouve qu'elle est trop rapide. J'ai pas l'impression qu'il... En fait, dans les trucs d'exploration, j'aime bien que ça prenne son temps pour faire ressentir vraiment le mec au milieu du vide, pour faire ressentir la grandeur, la solitude, tout ça. Là, je trouve que ça va trop vite pour que l'ambiance prenne vraiment. Et la partie action, au contraire, je l'ai trouvée trop longuette. C'est-à-dire, il y a un combat, notamment en fin de tome, qui s'éternise un peu. Sur ça, on est d'accord. Après... La partie action, par contre, est aidée par des graphismes et une mise en page vraiment soignée. Ouais, alors j'aime beaucoup la mise en page en général, le travail de mise en page, les décors et les monstres. Ouais. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec le design des personnages humains. Ils ont tous un design très lambda, en fait, quoi. Ouais, tandis que les décors et les monstres, pour le coup, même la petite fille harpie, ça, il y a un vrai travail, c'est vraiment magnifique. Oui, alors que le personnage principal, donc le fameux Léon, c'est une armoire à glace, et puis basta, quoi. C'est un personnage que tu pourrais voir dans un jeu vidéo actuel, en fait. Ouais, c'est un charisme occidental, cheveux courts, baraqués, et puis basta. Donc c'est pas du charisme intéressant, enfin c'est pas du visuel très intéressant. Mais comme tu l'as dit, heureusement, c'est minime au final sur l'ensemble du dessin et de la patte de l'auteur. Ouais. J'ai pas détesté, mais j'ai pas envie de lire la suite pour autant, tu vois. Je lirai la suite parce que j'aime bien les univers post-apo, parce que c'est dans mon style de laisser sa chance à un manga, j'aime bien voir au moins les 2-3 premiers tomes. Si j'avais le budget pour le faire, je le ferais probablement aussi, mais j'ai déjà pas le budget pour faire les 5 que j'aime. Donc... Oui, d'accord. Donc c'est pas que parce que... Je peux pas me permettre de laisser sa chance à un truc qui me convainc pas dès le premier tome, en fait. Eh bien, je te le prêterai. Si tu veux. Mon cher ami. Et en fait, c'est dur d'en dire plus. Parce qu'il y a pas grand-chose... Malheureusement, il y a pas grand-chose d'autre à dire. Oui, après, malheureusement, c'est pas forcément un mal, hein, un tome où il y a pas grand-chose à dire. C'est... Ça reste joli sur la plupart des points visuels, donc rien que ça peut suffire à convaincre du monde, ça permet d'avoir un joli univers post-apo, c'est déjà ça. Il y a des très jolies pages couleurs au début. Oui. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a des très jolies pages couleurs au début du tome. Non, bah moi, j'en reparlerai probablement à la sortie, enfin le tome 2 est déjà sorti, il faut juste l'acquérir, mais j'en reparlerai probablement quand on sera un petit peu plus avancé dans l'histoire, parce que pour l'instant ça manque d'un peu de tout en fait, pour être vraiment concluant. Ouais, ça fait partie de ces mangas où on aurait peut-être dû sortir les deux premiers tomes en même temps. Ah, mais vu que c'est une création originale, oui. Il faut bien que l'éditeur s'en garde sous le coude pour avoir un rythme de sortie régulier. Oui, c'est pas faux. Voilà. J'avais oublié ce point-là. Et vu que Ki-Hoon est en phase, enfin, semble déterminé à sortir de plus en plus de projets originaux. On en reparle. Moi, c'est tout. Moi aussi, mais j'en reparlerai probablement bien plus tard. On va passer au dernier titre de la sélection. On va rester chez Kihoon. Un titre qu'on a cette fois-ci tous les trois lu autour de la table, qu'on a tous les trois apprécié autour de la table. Il s'agit de BL Métamorphose. Oui. Ou quand les mamies découvrent le yaoi. C'est une bonne catchphrase. N'est-ce pas ? Bah, c'est mieux que le harcèlement va trop loin, quoi. Va beaucoup trop loin. Et quand le harcèlement va beaucoup trop loin ? Et du coup, il faudra sortir un manga quand le harcèlement ne va pas assez loin. Ne va pas beaucoup trop loin. Ouais. Donc BL Métamorphose, c'est en cours avec 3 tomes au Japon. Rythme de publication plutôt lent au Japon. Rythme de publication typique des mangas du magazine, 20 tomes tous les 5-7 mois à peu près. Voilà, bon. C'est pas un rythme trimestriel quoi. Bref, donc le speech de base est extrêmement simple. On suit Yuki, une dame de 75 ans, enfin qui est assez âgée quoi, qui est veuve et qui un jour alors qu'elle se balade en librairie tombe sur un manga, ça fait longtemps qu'elle n'en a pas lu donc elle l'achète et quand elle le lit elle se rend compte qu'il s'agit d'un boys love. Donc quand elle vient pour acheter la suite, elle se lie d'amitié avec la jeune libraire qui est lycéenne, je crois qu'elle a 17 ans. Je sais plus son prénom, mais bref, voilà. Et donc on suit leur amitié qui va se former autour d'une passion commune pour le boys love, oui. Sachant que donc la grand-mère découvre cet univers, mais que la jeune fille connaît déjà beaucoup. Ouais. Donc voilà, on va suivre leur relation au sein de, enfin, au fil de petits moments de vie, avec quand même un fil rouge qui est assez présent, et notamment j'étais assez surpris de voir que dans le tome 2, il y a pas mal de personnages secondaires qui s'installent, et des histoires même secondaires. Il me semble que tour de la table, t'es le seul à avoir lu le tome 2. Ouais, il me semble aussi, bah oui, du coup, on est que deux. Oui, moi j'ai pas lu. Ok. Et voilà, donc moi j'apprécie beaucoup, pour que c'est très intéressant, c'est une lecture très intéressante. Ouais. C'est pas une lecture uniquement intéressante pour l'aspect « Oh regardez, c'est une personne âgée qui découvre le yaoi ». Parce qu'au final, c'est limite secondaire. Enfin, ça moi je m'en fous, c'est juste que je trouve ça justement, c'est ce que j'allais dire. Un peu le respect, moi, le personne. C'est ce que j'allais dire, en fait, pour moi, le plus intéressant, c'est justement la... La petite Yuki. Merci. Le plus intéressant pour moi, c'est la relation amicale intergénérationnelle, plus que... Une grand-mère qui découvre le yaoi. Ouais. Et justement, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir la communication autour de Kihoon. Qu'est-ce qu'ils mettent le plus en avant ? Je pense qu'ils mettent plus en avant l'amitié. D'ailleurs, la catchphrase, c'est « Amitié et passion commune quand le manga fait voler en éclats le mur des générations ». Donc, ils mettent quand même bien en avant le côté intergénérationnel. Mais dans le tome 2, et c'est vraiment lui qui a confirmé le fait que j'apprécie vraiment beaucoup le manga, on rencontre pas mal de personnages secondaires et notamment l'autrice du Boys Love dont elles sont fans, qui devient un personnage dont on comprend qu'il va être récurrent par la suite. Et il y a d'autres personnages qui deviennent récurrents, donc on sent qu'il va y avoir tout un petit univers qui va graviter autour d'elle, et avec d'autres questions qui se soulèvent petit à petit, notamment la fin de vie du personnage de Yuki, sa relation avec sa famille, avec sa fille, et des choses comme ça. C'est très touchant, c'est une histoire c'est plutôt mignonnet. Ouais, mignon, touchant, bien dessiné, moi j'aime beaucoup. Graphiquement, ça colle parfaitement avec ce qu'on raconte. Ouais, je trouve que ces graphiques collent bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est très très bien. C'est tout. C'est tout. Oui, vous avez dit ce qu'il avait à dire. Hein. D'accord. Moi j'ai sorti un article dessus. Aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça aborde pas mal d'éléments qui rythment la vie de la communauté quand même assez importante des lecteurs et lectrices de Boys Love, notamment à la fin. À la fin, ça tease le fait qu'elles vont partir en convention ensemble. On parle des conventions amateurs. On parle des conventions, on parle aussi du rythme de la publication en magazine. Et donc, comme j'ai dit, avec le tome 2, on suit aussi un petit peu l'autrice, donc on comprend qu'on va la suivre aussi de plus en plus. Donc si jamais tout simplement vous intéressez au manga un peu métatextuel ou vous intéressez au boys love en tant que genre, vous pourrez aussi avoir pas mal d'éléments là-dessus. Allez sans doute rien apprendre, mais c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est rigolo à voir. C'est intéressant aussi cette différence de culture entre nos deux pays. Parce que Oui, là-bas, chez nous, t'as des conventions Boys Love. Bah, c'est même pas que ça, c'est chez nous. Y a une convention Boys Love en France. Et moi, c'est même pas ça que je voulais aborder. C'est chez nous, on voit une personnage lire un manga, on a du mal à en croire nos yeux. Bah, il y a un peu ce côté-là aussi, quand même, qui est sous-entendu dans le manga. Oh, je trouve pas que ça soit vraiment mis en avant. J'ai l'impression que les personnages s'en foutent un petit peu. Notamment dans. Non, pas qu'elle lise du Boys Love, qu'elle lise des mangas. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle va en librairie. Je sais que dans le manga, ça a pas l'air de déranger tout le monde. Mais je sais que dans le tome 2, quand il y a sa fille qui vient chez elle, elle. Ça étonne qu'elle lise des mangas, mais je crois qu'il y a peut-être une remarque aussi sur son âge ou un truc comme ça. D'accord. Enfin, je sais pas. Et même quand elle en parle, on comprend qu'elle considère ça comme un truc de jeunesse, voilà, et qu'elle. Bon. Ouais, voilà. Anecdote personnelle, ma grand-mère passait chez moi alors que j'avais des mangas de caisse sur table et elle a commencé à feuilleter un Boys Love. Elle est tellement ouverte que ça. Hein. Bon, il faut admettre que c'était Sleeping Man and Loving Man, donc elle a tombé sur des dessins de grosses bites. Ce qui peut surprendre, jamais, mais bon. Voilà. Du coup, tu fais plus partie de l'héritage. Moi, je me demande ce que le manga aurait donné si le premier Boys Love qu'elle avait lu, justement, c'était ça. Ah, une bouteille dans le cul, mais j'ai tellement envie de lire la suite. Je veux la suite. Oh, j'adore les aubergines, ça tombe bien. BL Métamorphose, une lecture qu'on recommande tous autour de la table. Oui, très bien. C'est marrant, c'est toujours les trucs qu'on recommande à fond, dont on parle le moins. Bon. Bah c'est dur en fait, quand un truc est vraiment bien. En général, dans le BL, c'est dur, ouais. C'est bien. Ouais. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Oui. De remercier nos chers auditeurs d'avoir été présents pour ce début de saison 3 de Casse sur Table. Ouais. Déjà saison 3. Et c'est un peu comme dans Game of Thrones, hein. Plus les saisons avancent et moins il y a de personnages. Oui. Le souci c'est que plus ça avance, plus ça devient mauvais aussi. J'espère qu'on ne deviendra pas trop comme ça. On va essayer de relever le défi. On se retrouve pour un prochain numéro centré sur les lectures de septembre. Logiquement, on va essayer de faire en sorte qu'il arrive dans pas trop longtemps. Qu'il soit presque à l'heure, ça serait bien. Voilà, ça serait bien qu'on essaye de le poster au moins pour début octobre. Ouais. Tu vois, je pense. On part sur une bonne idée. Avant 15 octobre. Vous pourrez bientôt, notez bien le bientôt, nous retrouver dans la guerre des claves. Ce podcast, est-ce que ce podcast a une saison 2? Est-ce qu'on peut considérer que la guerre des claves. C'est un numéro exceptionnel, on va dire. Voilà, donc pour la saison 2. Dans une nouvelle formule. Dans une nouvelle formule où on ne s'intéressera plus forcément à des thématiques, mais cette fois-ci on abordera un film par numéro, ça nous permettra d'être peut-être un peu moins dispersé et plus focus vraiment sur le film qu'on aborde. Ça te permettra peut-être d'être un peu plus compréhensible à l'écoute. Parce qu'on n'a pas toujours été très bon dans la guerre des claps. On n'a pas toujours été très bon tout court. Hein. C'est vrai. Vous pouvez également retrouver Issam et moi-même tous les 15 jours dans un nouveau podcast. Le Vidéo Club de Castle Rock. Qui s'intéresse aux adaptations télévisuel et cinématographique de Stephen King. Alors télévisuel hors série télé. Oui, ou alors les mini-séries. On fait pas tout ce qui va être en plusieurs saisons. Voilà, on va s'occuper plutôt des téléfilms et des mini-séries en une saison réduite quoi. Ouais. Ça, c'est à retrouver tous les 15 jours. Pour l'instant, vous avez deux épisodes de disponibles. Un troisième sera sorti à la publication de ce podcast. Respectivement, Cimetière de Marie Lambert pour le premier. La Tour Sombre de Nicolas Jarcel pour le deuxième et Carrie de Brian De Palma pour le troisième et le quatrième qui arrivera ce sera le téléfilm Salem de Michael Salomon. Voilà, Salem Slot. Qu'est-ce qu'on peut annoncer d'autre ? L'archiviste du cinéma, même s'il n'y a plus de nouvelles vidéos, ça reste bien. Et le Discord surtout. Le nouveau Discord, l'adresse de Discord c'est toujours très compliqué à nommer, donc ça sera dans la description de ce podcast. Vous pouvez également retrouver notre ami Arthur sur. Rappelle-nous l'adresse de ton blog. Jaga et Mangam, c'est bien de la merde, en plus je me permets plus peut-être masqué sur Twitter donc ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on coupe? Non allez, visez mes articles. Si il est pas content. Non mais si, c'est bon. Ah la vache. Si vous avez du sang à perdre. Désagréable. Vous pouvez moi me retrouver sur le Twitter au gré des bulles. On a et on a cinémarchiviste. Voilà, cinémarchiviste pour toi. Ouais. Vous pouvez également trouver Necro sur le Twitter Necronomicor, Sally sur le Salibou. C'est quoi ton Twitter maintenant? Pouni Intended. Est-ce que tu apprécies d'ailleurs ce vidéo? Oui, c'est très drôle. De toute façon, je mettrai dans la description le lien de tout ça. Voilà. C'est la première fois qu'il m'a dit un truc gentil en extrêmement longtemps. C'est une belle manière de conclure un podcast. Il va bientôt te donner de l'argent. Ah yes. Et beaucoup d'argent. Et puis voilà. Vous pouvez maintenant nous retrouver très facilement sur Discord. Oui, voilà. Vous pourrez venir discuter avec nous, ce sera sympa. N'ayez pas peur. Issam et moi, on est très présents, les autres un peu moins, mais on va essayer de leur botter le cul pour que ça soit le cas. En même temps, vous perdez pas grand-chose. Hein. C'est vrai que les plus intéressants... Fallait bien équilibrer. D'accord. Merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Ciao. Au revoir. Saviez-vous, dans Anges et Démons, il n'y a pas Marion Cotillard, par contre il y a Audrey Tautou dans le Da Vinci Code. Voilà, même quand on essaie de faire des blagues, il faut qu'on soit. C'est un peu pitoyable. À la prochaine fois!